lieu donc de la semaine, durant cette prédication, remarquez très bien, la prédication d'Élie et de Moïse dure exactement 3 ans et demi. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Or, maintenant, une chose que je vais vous dire ici, c'est que ce n'est pas que lorsqu'on va signer l'alliance, Élie va sortir du ciel tomber. Boum, c'est pas ça. Il commence encore ceci. Souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Nous voici à une période, nous trouvons quelque part ici, dans cette zone-ci. Lorsque l'église est enlevée, la période de tribulation, en fait, parce que la période de tribulation n'est pas introduite par l'église, la période de tribulation commence avec le fait quand le Seigneur sera là. Parce que c'est là ce qui est dit là-bas. Ils signeront une alliance avec les Juifs pendant 7 ans, donc une semaine. Donc c'est le traité qui fait office, qui ouvre, qui donne le début de la date de la période de tribulation. C'est le traité, pas l'enlèvement. Donc l'enlèvement peut avoir lieu, on fait même 10 ans, 20 ans, encore 40 ans. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il dit, l'enlèvement peut avoir lieu, on fait plusieurs années avant que ça se réalise. J'espère que vous soyez clair. Lorsque Enoch a été enlevé, regardez très bien, vous allez voir qu'il y a deux générations, même deux personnages qui vont venir avant Noé. Il s'est passé combien? 569 ans entre l'enlèvement d'Enoch et la tribulation de Noé. N'allez pas mesurer pour dire que non, après ça, mieux, en détail, je serai mort. Ça peut se passer n'importe comment. Voilà, Daniel, on n'a pas donné la distance qui est entre Daniel et Abednego et Shadon. On n'a pas donné la distance. La distance qui est entre Abraham et Lot, c'était également qu'il était à Tsoar. L'autre était loin du côté de Mamré. Vous commencez à voir. Donc c'est dangereux de dire que non. Il y a une grande période, il y a une petite période. C'est que ça peut se passer alors que le truc est proche. Ça peut se passer alors que ça fait des années. Notre but, ce sera qu'il faut qu'on soit seulement enlevé. Si on a enlevé là maintenant et que quelqu'un n'est pas enlevé, qu'est-ce qu'il va dire? Alors pendant qu'on se trouve dans ces milieux, c'est où est-ce que nos pensées se baladent? Donc, retournons ici. Durant cette période-ci, Apocalypse chapitre 11, donc, des témoins vont sortir pour prêcher pour que les 144 000 personnes soient scellées. Donc, soient scellées, donc reçoivent le Saint-Esprit. Ok. Suivez attentivement. Voici ce qu'il t'en a dit. Lorsqu'on signe le traité, ça fait le début de 7 ans, n'est-ce pas? Et à l'instant où le traité est signé, il y aura 3 ans et demi. Durant ces 3 ans et demi, les deux personnages doivent être sur la place. Alors, ce n'est pas lorsqu'on signe le traité que ce n'est pas lorsqu'on signe le traité que les personnes viennent sur la terre. C'est qu'ils naissent chez quelqu'un, ils grandissent comme tout le monde. Comme Jean-Baptiste est né, à l'âge de 9 ans, son père est mort, il allait dans le désert. Il est resté dans le désert, il parcourait dans le désert là-bas. Jusqu'à ce qu'un de ces jours soit là, tchao. Répentez pour que chacun vous soit baptisé. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Quand il se présente à Israël, c'est là où Esaïe chapitre 40, verset 3 commence à s'accomplir. Quand il se présente à Israël, je suis la voix de celui qui crie dans les yeux. Quand à l'instant où il a dit cette première phrase-là, le ministère commence. Quand celui-là ouvre le rouleau, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, le ministère commence là-bas. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Or, ils ne sont pas directement, boum, j'espère que vous cessez ce que j'en ai dit. Ils ne sont pas directement, ils n'est quelque part là-bas, ils vivent comme tout le monde, jusqu'à ce que le moment arrive. L'Antichrist est au milieu de nous. L'Antichrist, frère, est au milieu de nous. On le présente à la télévision. Calme, doux. Souvenez-vous, ne confondez jamais la bête, le faux prophète et Satan. C'est une trinité satanique. C'est pour ça qu'ils ont infesté dans l'Église catholique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne confondez jamais cette chose-là. Parce que la Bible déclare que la bête fut prise et puis jetée dans le feu. Après, on va jeter le diable dans le feu où il y a le faux prophète et la bête. Deux choses différentes. Donc, c'est trois personnages. D'accord, frère? Donc, durant ce moment-là, on va se réunir 144 000 personnes. Si témoignages vont vous troubler, c'est votre problème. 144 000 n'a rien à voir avec l'église pour commencer. Ça n'a rien à voir avec le monde. Parce que littéralement, c'est écrit, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Si tu n'es pas d'Israël, ça ne va pas. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, maintenant c'est mélangé. Comment on va savoir les tribus d'Israël? J'ai dit que ce n'est pas à toi de connaître les tribus d'Israël. Dieu sait qui sont de chaque tribu. Mélanger le sang n'importe comment, ils connaissent sa sémence. Ils connaissent. Chaque juif a la généalité de sa famille. J'ai connu un pasteur là, il m'avait dit qu'il était lévite. Il est pasteur. On a aussi embrouillé jusqu'à il avait cause pastorale comme ça. Absolument. Donc durant ces 3 ans et demi, c'est au milieu de l'alliance donc que ça va commencer. C'est au milieu de l'alliance. Donc maintenant, bien aimé, écoutez bien. Lorsque les 3 ans et demi vont aller s'achever, lorsque Élie et Moïse prêchent leur évangile, Les 144 000 personnes, et ces 144 000 personnes sont des prémices pour Christ. Ceux qui vont préparer le chemin. Ceux qui vont ensemble annoncer la voix du Seigneur, la voix du Messie dans l'autel, pour montrer que la personne que vous en avez servi n'est pas votre vrai Messie. Il en est béni, il en est béni. Ce sont ceux qui seront les airs. Maintenant, comme c'est ces prophètes ceux qui auront tourmenté la terre, proclamé les jugements sur la terre, leur mort sera une joie sur la terre. Les gens vont se réjouir parce qu'ils vont fermer le ciel, ils ne vont pas avoir de pluie. Ils vont frapper la terre par l'épée de leur bouche. Alors, à cause d'eux donc, l'évangile va être répandu. L'antique va pouvoir dire que ce sont ceux qui ont créé le vrai problème sur la terre. Alors la personne va aller contre les Juifs. Alors vous allez voir maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, où la femme qui devait engendrer l'enfant mâle. Je vous ai demandé de lire là-dessus, n'est-ce pas? On va poursuivre Israël, le reste de la postérité, dans le désert. Alors, durant 1260 jours, ils seront nourris par Dieu, protégés par Dieu. Beaucoup de Juifs seront dispersés. Les Juifs ou les 144 000? C'est pas les 144 000. Les... Nous sommes dans Daniel. Mm-hmm. Nous sommes dans Daniel tout à l'heure, n'est-ce pas? Mm-hmm. Lisons. On s'est arrêté que pendant pas fini. Donc, n'allez pas croire que c'est Marie qui est là-bas qui devait enfanter Jésus. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas, on n'a pas fini d'abord sur le verset 27. Il fera une solide alliance écoutez, avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Écoutez bien. Pour une semaine. Oui. Et durant la moitié de la semaine, oui. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On a vu que le temple doit être là et puis les Juifs seront en train d'adorer. Il va gâter cela, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. On commence à appeler maintenant le dévastateur. Mm-hmm. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous y voilà. Regardez, voici pourquoi il dit que ces choses ne vont pas finir. On va faire un temps d'étude seulement sur la bête, le faux prophète et l'antichrist, pour les identifier, pour qu'on puisse les distinguer. Ces mélanges, c'est exactement un peu comme l'enlèvement de l'église, quand on cherche pas l'église et l'épouse là. C'est exactement la même chose qui se passe là maintenant. On dit que le dévastateur va commettre des choses abominables jusqu'à ce que la dévastation fonde sur lui. Alors la Bible déclare donc, parlant de cet impie-là, qui sera assis là-bas, on dit que Jésus-Christ va, c'est par l'éclat, le souffle de sa venue qui va le détruire. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, le Seigneur va descendre du ciel avec ses saints myriades. C'est pour cela que le retour du Seigneur, écoutez, le retour du Seigneur, voici ça. Vous avez vu la flèche ici. La flèche, le retour du Seigneur se situe exactement à la fin de la période de 7 ans. C'est le retour du Seigneur qui marque la fin de cette période de 7 ans. Une semaine. Parce qu'il vient pour frapper celui qui t'en est. Oh, remarquez. Frère, c'est tellement beaucoup, je ne sais pas dans quel sens je vais prendre là maintenant. Dans Apocalypse chapitre 11, on a dit que la femme va s'enfuir dans le désert. Les deux aigles, les deux ailes des aigles furent données. À la femme. Vous me saisissez? Ça veut dire que Israël sera sous la bannière de ces deux prophètes. Vous savez, on parle des prophètes là maintenant. L'habilité du prophète. Les gens sont avec moi. Lévons-nous, on va prier. Lévons-nous. Salut quelqu'un à côté de toi, à gauche et à droite. Merci Père. Merci. Maintenant, venez nous asseoir. On peut continuer maintenant. Il dit bien, ceci est intéressant dans le sens où si quelqu'un est ici et que la maman a lieu, il passe par la grande tribulation, vous savez ce que vous devez faire. La première chose que la Bible nous dit, c'est que tout le monde sera tué. On a lu ça dans l'Apocalypse chapitre 13 aujourd'hui. On a dit qu'il fit que tous ceux, écoutez très bien, parce que l'une des choses qu'on va toucher, le millénium, la grande tribulation, non, la grande tribulation par rapport à ceux qui vont venir régner avec Jésus-Christ, ceci doit être clair par rapport à ça avant qu'on avance. La Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 13 que nous avons lu aujourd'hui, il dit, tous, il fit que tous ceux, grands ou petits, riches ou pauvres, qui n'avaient pas porté l'aliment, qui n'avaient pas adoré, qu'ils soient quoi? Tués. Donc c'est clair qu'aucun croyant ne sera sur la terre. La femme qui va s'envoler au désert. Vous voulez qu'on y va? On explique là-bas dedans. Ok. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, donc, voici encore, même dans Apocalypse chapitre 12, on comprend qu'il y a eu enlèvement. Avec Apocalypse chapitre 12, on comprend qu'il y a eu enlèvement. Remarquez, on dit qu'un signe parut dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Vous y êtes? Ok. Maintenant, si les planètes sont toujours au ciel, ils ont été délogés. Je recommence. Si le plan ne fut plus trouvé au ciel, ils ont été délogés. Pour le moment, alors que nous sommes là maintenant, on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants qui sont plus haut. Donc ils sont là-bas. Ils sont là-bas parce que l'épouse est en bas. Lorsque les plans ne se trouvent plus là-bas, c'est parce que ce qui le retient, qui les empêche de venir ici, est enlevé. Donc, frère, même dans le chapitre 12, on comprend qu'il y a un enlèvement. C'est pour ça que le dégagement, la montée de l'église donne la production des châtiers, l'armée de ceux qui sont dans le ciel, pour qu'ils puissent descendre sur la terre. Pour qu'ils puissent descendre pour prendre possession plutôt de la terre. C'est que vous comprenez. Je recommence encore doucement. Dans 2 Thessaloniciens, où on parle de ce mystère, le fils de la perdition qui va venir, l'adversaire qui se lève contre tous les adversaires. L'apôtre Paul s'arrête quelque part, il dit que vous savez ce qu'il le retient afin qu'il dépasse dans son temps. Pour qu'il puisse venir se manifester en son temps, c'est ici. Vous savez que son quartier général, c'est en haut. Pour qu'il puisse venir, il faut que l'église soit enlevée. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, voilà pourquoi c'est la condition, mes chers amis, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être sur la terre, l'Esprit Antichrist est là. On dit l'Esprit Antichrist, l'Esprit là agit maintenant sur les fils de la rébellion. Parce que tous ceux qui seront sur la terre n'auront pas l'Esprit de Dieu. Juste une petite. Oui. Pourquoi, parlant de l'enlèvement des gens en religion Saint-Esprit, pourquoi la mère des enfants des Zébédés demande à Jésus que ses enfants soient assis à l'étranger? On n'était pas sûr que. C'est pour montrer la chair qui est dans ces choses. Prends, tu parles dans Luc chapitre 11, verset 27. Il y a une femme qui entend brûler la foule. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse, c'est la chair. Jésus a même dit clairement que ce n'est même pas lui qui choisit. Que c'est destiné à une certaine personne et ce n'est que les personnes qui vont s'asseoir là-dessus. Donc ne comprenez pas ce que les gens ont parlé avec la chair. Ils ont dit que, comme mon fils sert au milieu là-bas, quand on sera aux anges. Écoutez, cet homme s'est désobéi à l'évangile que son fils lui a prêché, au jugement, il va dire que femme dans le feu. Parce que là-bas, il y a tout le sentiment. C'est pour ça qu'on appelle là-bas. Si tu es là-bas, tu vas appeler ton fils frère. Il va t'appeler frère. Il n'y a pas de papa là-bas. Ainsi, un père. Donc cette femme-là, elle ne sait pas ce qu'il a dit, mais son cas, il faut qu'on la pousse de côté, on continue, parce que pour les femmes ne nous distraient pas, d'accord, frère Michel? Ok. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, donc, on dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Je vais m'arrêter, j'insiste là-bas parce que ça a créé des problèmes aussi aux pentecôtistes. On dit, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Le dragon combattit. Et il ne fut pas le plus fort, et ses places ne furent plus trouvées au ciel. Et il fut précipité. Et remarquez bien, quand il sera crucifié, on va dire malheur à la terre. C'est pas ce qui est écrit, frère. C'est écrit malheur à la terre quand cela est passé. Quand Jésus-Christ remonte vers le ciel, il bénit ses disciples. Il dit, je prie pour tous ceux qui vont croire par eux. Donc tant que la repos de la grâce est là-bas, ils sont protégés. Là, on a dit malheur à la terre. Ceux qui sont protégés sont enlevés. C'est ici, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, voilà comment le pentecôtiste fait. Vous parlez avec quelqu'un, il dit que non, les anges, Satan a été chassé du ciel depuis. Tu dis, quelle période? Il dit que non, quand ils ont chuté. Ils ont chuté quand? Il ne peut pas parler. Parce qu'on ne connaît pas la chronologie dans les choses de Dieu. Satan était un chérubin protecteur aux œuvres déployées. Il était dans le jardin, il était dans le ciel de Dieu. Parce que les archanges et les chérubins sont là-bas. On l'a propulsé depuis le ciel de Dieu jusqu'en bas. C'est ici, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est ici. Mais ce qu'on est en train de parler dans Apocalypse maintenant, c'est le déloger entièrement du ciel pour qu'il vienne sur le territoire de la terre. Alors vous pouvez entendre donc, malheur à la terre et à la mer, quand elle est descendue vers vous, animée d'une grande colère. Parce que c'est à l'instant qu'il est là-bas, qui se manifeste ici, le temps est court pour lui. Est-ce que c'est ici? Donc Apocalypse chapitre 12, donc, le combat entre Michel et le dragon n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. C'est l'église qui va déclencher ce combat, l'enlèvement de l'église, qui va déclencher ce combat pour pouvoir le faire descendre, va prendre son quartier général là-bas. Mais c'est ici, frère. Vous me saisissez. Ok, maintenant, quand il vient sur la terre, on dit plus un autre signe pareil. C'est une femme qui se tenait dans le soleil. Il y avait le soleil sur sa tête, la lune sous ses pieds. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec 12 couronnes. Vous voyez, Marie, on dessine, les catholiques dessinent Marie comme ça, avec l'enfant Jésus. Tu sais que c'est Israël dont on te parlait, n'est-ce pas, mon cher? Non. Si tu crois que c'était Marie? C'est ça, je croyais que c'était Marie. Ok, maintenant, si c'était Marie. Dis-moi, 12 étoiles, c'est quoi? La lune, c'est quoi? Le soleil, c'est quoi? Ce sont les astres. Donc, Marie est astrologue maintenant. Ok, lisons donc ça, d'accord? Lisons. Apocalypse chapitre 12, rapidement. Donc, ne vous éloignez pas des questions qui tournent autour de cette affaire-ci. La première question maintenant sur l'enlèvement, grande tribulation, que ça vous vient à l'esprit posé, parce que je crois que avec ça, ça sera réglé. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Venez à partir du verset 1, d'accord. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le premier verset montre clairement qu'il s'agit d'Israël. Je ne sais pas, on ne peut pas lire ça autrement. En lisant là-bas, vous voyez que c'est Israël dont il est question. N'est-ce pas, mon cher? Je ne sais pas répondre à la question, frère, c'est ce que tu as dit. C'est ce que vous venez d'expliquer, frère. Je ne m'embrouille pas. Je passe au suivant. Alors, regardez, quand il dit. Quand je lis ça, je suis en train de voir que c'est d'Israël dont on en a parlé. À l'instant là, la question tout naturelle c'est, frère Junior, qu'est-ce qui t'amène à la conclusion que c'est Israël? La première chose d'abord, quand vous lisez le livre des prophéties, la première chose, frère, pourquoi ça ne vous dérange pas? C'est qu'à l'instant où on parle en termes de prophéties des femmes, sachez qu'il s'agit soit d'Israël, soit de l'Église. C'est la première des choses. On est d'accord? Je recommence encore pour que ça vous aide. Lorsqu'on parle des femmes en langage symbolique, il s'agit soit de l'Église, soit de l'Israël. Parce que si vous lisez Osée partout, Osée, Jérémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Dieu parle, il dit que où est la lettre de divorce que j'ai donnée à ta mère pour que vous me soyez infidèle. Est-ce que vous comprenez? Où Dieu fait la complainte de son amour, la déception amoureuse que Dieu a eue. Vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Vous me saisissez, mes frères? Donc, lorsque en langage symbolique, en langage prophétique, lorsqu'on parle des femmes, il n'y a que deux volets. Soit c'est Israël, soit c'est Jésus. Maintenant, écoutez bien maintenant. Écoutez bien, regardez-moi. Observez-moi. Jésus est marié à l'Église, Dieu est marié à Israël. Jésus est marié à l'Église, Dieu est marié à Israël. N'est-ce pas, frère? Amen. C'est ce que tu as dit. Jésus est marié à l'Église, ça c'est simple. Dieu est marié à Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Décrivez, suivez seulement Ézéchiel chapitre 2 où il dit que tu étais nu, tu étais lavé, après tu t'es allé t'embaumer, tu as apporté des beaux goûts pour les autres, tu t'es enflammé. Tu as livré tes seins à des amants. Lisez cela là, Ézéchiel. C'est, n'est-ce pas? Ok. Donc Israël, c'est la femme. Israël, c'est la femme. Donc quand vous lisez directement, on parle des femmes. Vous savez que c'est le langage prophétique ici. Si c'est le langage prophétique, alors il s'agit soit de l'Église, soit de la femme. Alors maintenant, soit d'Israël. On nous donne maintenant des critères d'élimination pour voir clair. Ok. On dit soit c'est l'Église, soit c'est la femme. Ok maintenant. Vérifions si c'est la femme Église ou c'est la femme Israël. Vous me saisissez bien aimé? Ce n'est qu'Israël qui a 12 fondements. Alors il s'agit d'Israël là maintenant. Ce n'est qu'en Israël que la loi et les prophètes viennent. Vous savez, l'ombre et la réalité, ça vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Quand le soleil, je ne sais pas si vous me saisissez, vous pouvez me saisir là maintenant. On dit qu'il y avait la lune et le soleil. Les deux sont côte à côte. La nouvelle et l'ancienne alliance viennent d'Israël avec les 12 familles. C'est ça qu'on a parlé au chapitre 1, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Donc, l'ombre, l'Ancien Testament, c'est la lune. Le soleil de justice, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance qui est la clarté de la lune, c'est le Nouveau Testament. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament est venu par Israël avec la 12 familles, qui avait pour fondation les 12 familles, les 12 tribus d'Israël. Donc la femme est constituée de 12 tribus d'Israël, ayant la loi dans le témoignage. Ça va? Ok. Maintenant, disons aussi pourquoi ce n'est pas l'Église. Parce qu'il ne faut pas que quelque chose colle sur l'église et que ça colle là-bas. Alors, disons pourquoi ce n'est pas l'église. Parce qu'on peut dire pourquoi ce n'est pas l'église, mais à partir du verset 1 ici. On peut y arriver? Ok. Parce que l'église a été enlevée au chapitre 4, verset 1. Elle ne peut plus se retrouver ici dans les déserts. Vous y êtes? Alors, maintenant je continue. Donc, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles était sur la tête. Remarquez bien la vision que l'apôtre, que le prophète Joseph avait eue dans Genèse. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la Genèse? Qui s'est prosterné maintenant. Après un an, il a encore une vision où c'est les étoiles avec le soleil qui venait se prosterner avec la lune. Joseph, il a commencé à comprendre que tu peux me dire que c'est toi qui vas dominer. Que tu vas dominer sur nous. Ok. Verset 2. Elle était enceinte. Maintenant, remarquons très bien maintenant. Donc, le deuxième verset même dit clairement que c'est Israël, que ce n'est pas l'Église. Regardez. Elle aidait à peine et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Regardez, vous y êtes. Elle était enceinte. Maintenant, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Vous voyez les caractéristiques, vous allez voir que c'est les mêmes caractéristiques de l'Empire romain. On a lu dans le chapitre 13, les mêmes caractéristiques du royaume romain. C'est pas ça, frère? Ok, regardez. Sa queue entraînait, on a identifié comme ça ces dragons-là. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme. Donc quand la femme est présente, le dragon est devant la femme, devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc la Bible nous dit clairement ici que lorsque le Messie va sortir d'Israël, l'Empire romain doit être en place. Ils vont essayer de persécuter l'enfant pour le tuer. C'est écrit, et dans Matthieu, c'est écrit clairement que Hérode a voulu tuer l'enfant. Frère, c'est écrit dans la Bible. Ne pense pas qu'il veut prendre la Bible. Ma Bible, c'est, regardez, c'est la même Bible que toi, tu as, frère. C'est la même Bible. Ne dis pas que peut-être j'ai l'explication quelque part. On a rien d'avancer, frère. Ça, on ne consécute pas, ne t'inquiète pas. Tu vois comme ça, la bouillie va être finie. Il y a la bouillie qui arrive. Regardez, on dit que l'enfant. Vous savez très bien que l'église n'accouche pas. N'est-ce pas? Ok. Israël, regardez. On dit que l'enfant doit même sortir. Et identifions qui est l'enfant. C'est pour ça qu'il y avait embrouillé un théologien avec ceci. Il dit, regardez verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Maintenant, regardez ce que le verset 5 dit. Le verset 5 dit clairement que c'est Jésus. Mais la femme qui l'a enfanté n'est pas Marie. Frère, c'est merveilleux. C'est immensément merveilleux. Les gens disent, qu'est-ce que tu me racontes là? Le verset 5, c'est qui? Il dit que c'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais la femme, ce n'est pas Marie. Il dit, mais la mère de Jésus, c'est quoi? Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Marie. Mais la mère du fils qui doit paître n'est pas Marie. On n'a pas dit l'enfant Jésus. C'est le fils qui doit paître les nations avec le verge de fer. Lui, il est éternel, il n'a pas de fin de commencement de vie, ni de fin de jour. Il est rendu semblable au fils de Dieu. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Michée chapitre 5, verset 1 et 2 dit clairement que de toi sortira un chef qui dominera. De toi sortira un chef qui dominera, dont les jours de mort au jour de l'éternité. Donc le corps là avait pour même mari, le fils n'a pas pour même mari. Voilà pourquoi il ne peut jamais l'appeler mère. Vous n'oubliez pas dans votre Bible jusqu'à appeler sa même maman. C'est femme qui est entre toi et moi. Alors, l'enfant, j'espère que vous saisissez. Où est la différence? Si ça ne va pas vous dire, je me pose, on voit votre bruit pour vous inspirer. L'enfant mâle, c'est Jésus. Il est sorti d'Israël parce que Israël était oppressé. Les douleurs de l'enfantement, un peu comme ils étaient en Égypte, il y avait l'oppression. Il criait à un juge que Dieu les libère. Dieu dit que j'ai entendu le cri, je suis descendu pour sauver. Va en Égypte, fais sortir mon peuple. Israël sort, il était sous le coup de l'oppression romaine, l'armée rouge. Regardez bien, verset 5. Verset 3, un autre signe parut, et voici dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Observez seulement l'habillement des soldats romains. La main rouge. Donc, les voilà, alors qu'il est sorti d'Israël, comme l'enfant est né. Aujourd'hui, est né dans la cité de David, votre roi. Pas vrai? Il est au front, on va le persécuter. Regardez, le verset 5 dit quelque chose. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Regardez comment la prophétie dit là-bas que Jésus est censé dominer sur toutes les nations. Regardez la même prophétie, on dit que avec un verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Deux choses. On dit ce que Jésus est censé faire plus tard, et on dit ce qu'il est arrivé après sa naissance. L'enlève. Vous avez vu ça? Verset 5. Donc l'une des choses maintenant qu'il faut savoir maintenant quand on dit l'Apocalypse, c'est ce qui on en a parlé qui est passé. Ce qui en laissé réaliser maintenant et ce qui doit en devenir. Maintenant, si vous lisez le chapitre 10 que je vous donnais tout à l'heure, l'ange va dire à celui qui était là-bas, à Jean, d'aller prendre le livre qui est dans la main de celui-là et d'avaler. Il a pris, il va avaler. Après, il a dit que maintenant, tu vas proposer sur les nations, sur les royaumes et sur les peuples. Vous y êtes, bien aimé? On peut continuer? Ok. Est-ce que je vais comprendre un peu? C'est-à-dire que là, il y a deux airs. Il y a l'air de l'église et il y a l'air d'Israël. Absolument. Jésus vient à l'air de l'église, né d'une femme. Né d'une femme. Jésus vient à l'ère d'Israël, il ne viendra pas d'une femme. Absolument. Absolument. Il sortira néanmoins d'Israël. Il va descendre en Israël. Puisque nous le trouvons dans Actes des Apôtres quand il est enlevé, pas dans le ciel, n'est-ce pas? Quand il est enlevé, remarquez bien le conseiller. Puis on dit l'enfant fut enlevé. Et les anges ont dit dans Actes des Apôtres que c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, revenez de la même façon. il ne passera plus par le ventre. Oui. Il ne passera plus par le ventre. D'accord, frère? Frère, comment comprendre alors Jérémie 10, verset 20, verset 20, il dit son chef sera tiré du milieu de son sein. Mais attends, qu'est-ce que tu penses? Du Saint d'Israël, voilà ce qu'on a dit pendant l'Apocalypse, chapitre 12. Hein, frère? Tu sortiras du milieu de ton peuple, un prophète comme toi, il sortira du milieu de ton. D'accord? Donc maintenant, il est d'ailleurs lié à Israël parce qu'il est juif. Le prochain juif qui vient n'est pas juif. Mais il est descendant de David. On avance là. Verset 6, c'est là où on se retrouvait. Et la femme s'enfuit dans le désert. Vous y êtes? Et la femme, souvenez-nous, il y a deux versets qui ont été indiqués ici au milieu. On peut les arriver encore reprendre. Et puis aller au verset 6 rapidement pour que vous voyez. Regardez. Je vais lire les versets 2, puis passer au verset 6 directement. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et la femme s'enfuit dans le désert. Pourquoi? Parce que les dragons se tenaient devant la femme pour enfanter l'enfant lorsqu'il devait naître. On dit donc, vous y êtes? Elle et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Maintenant, on dit que c'est la femme qui s'enfuit dans le désert. On a donné deux prophéties au verset 5. Celui qui est censé perdre les nations. Et vous avez terminé, il ne perd pas encore les nations. Ce n'est pas encore arrivé. L'autre prophétie là, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore arrivé. Maintenant, on dit que l'enfant, parce qu'on voulait le tuer et puis enlever vers son Dieu, cela a été arrivé et il est entré vers son Dieu. C'est ça, non? Je recommence encore. Le verset 5, il y a deux prophéties. On dit que l'enfant qui naît de cette femme-là, c'est lui qui doit perdre toutes les nations. Cette prophétie n'est pas encore arrivée. On dit que comme on voulait persécuter cet enfant-là, l'enfant fut enlevé vers son Dieu. Ça, ça a eu lieu lorsqu'on l'a crucifié ici. Et par la suite, il a ressuscité, il est venu vers son Dieu. C'est là, le volet-là du verset 5 est accompli. Vous y êtes? Verset 6 maintenant dit que la femme s'enfuit dans le désert. Regardez bien, frère. Je vous ai dit que un passage de la Bible peut avoir une prophétie de différents milliers d'années. Voici l'enfant qui est enlevé ici. Le désert, c'est la personne qui va se passer chez les Juifs ici. Là. Vous voyez là maintenant? Un seul verset. Ça fait combien d'années d'ici jusqu'ici? Jusqu'à là, on se trouve plus de 2000 ans. Et c'est le seul, un verset 6. Ok, maintenant. Ça veut dire que l'antagoniste qui a commencé lorsqu'Israël voulait enfanter ce fils-ci, en fait, Satan est le peuple juif. Chaque fois quand l'esprit antichrist se manifeste dans les rois, il est toujours l'antichrist, le peuple juif. Tout simplement parce que c'est l'objet de l'amour du Seigneur Jésus. Tout simplement. Hitler ont détruit dans les fours crématoires des millions de juifs. Tout simplement parce qu'ils sont des juifs. Tout simplement parce qu'ils sont des juifs. Brûlés. Quand vous avez le temps de demander, vous, il y a le retour des juifs, vous allez voir dans les vidéos. Alors, le peuple dont on parle dans le chapitre 9, il dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira le sanctuaire et sa fin va arriver à la dévastation. C'est lui qui va venir donc passer par sous-noir. Voilà pourquoi, s'il ne se fait pas passer pour Jésus, on ne peut pas l'accepter. Le juif va l'accepter. Voilà pourquoi il va se déguiser. Quelqu'un dit déguiser. Il va se déguiser comme la Bible a prophétisé qu'il est comme un ange de lumière là. Il va se déguiser comme Jésus. Il va se présenter chez les Juifs, les Juifs vont accepter, alors que c'est l'alliance avec la mort. Donc, l'alliance que les Juifs ont dessiné, c'est le décret de destruction. Ésaïe 28, 14, 10, 15, que je veux dire tout à l'heure là. Leur alliance avec la mort. Dieu dit qu'il va briser ça. Amen. Alors, il va descendre avec une flamme de feu au milieu de ses saints anges pour consommer durant la tribulation, à la fin de la tribulation. On y va? Ok, donc, durant cette semaine, donc-ci, deux ailes des aigles, les deux aigles sont là. Remarquons, continuons seulement ici. Observez, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel, c'est beaucoup de prophéties ça, hein? Verset 7 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges, vous avez remarqué, souligné sur la terre. Vous avez remarqué, frère? Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec le haut. Vous voyez, quand le fantôme dit que Satan a été chassé sur la terre, c'est quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Pour le moment, pour la période de l'Église, il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes morts, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Or, ils sont dit qu'ils sont sur la terre. Donc, ce n'est pas encore compris. Pour qu'ils viennent sur la terre prendre place, il faut que l'Église quitte la terre. On y va? Ok. Verset suivant dit verset 10. Et j'entendis dans le ciel, écoutez très bien, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. Frère, voilà exactement le moment où l'église en est attendue depuis. Voilà le moment. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 13, il dit réveillez-vous. Réveillez-vous, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Vous vous souvenez dans le réveil, il y avait cette antenne. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. C'est de ça dont on s'est parlé. C'est de ça dont l'apôtre Paul nous parle. Le jour de la rédemption de notre corps, comme il a dit dans Romains chapitre 8, verset 23. L'adoption de notre corps. On est sauvé maintenant, mais c'est en espérance. Ce qu'on a, ce n'est que les arts de l'esprit. Il faut que cette histoire, le but ultime de Dieu, c'est que l'histoire mortelle, c'est la vie, que le vieillissement n'ait plus de pouvoir sur notre corps. Comment? Attention, hein. Ne dis pas comme ça, tu dis. Il dit pas comme ça, tu parles comme les gens là qui ont glissé pour dire qu'ils sont des dieux. En passant, donc, il a fait l'enseignement sur ça, donc bientôt vous allez l'avoir. Si vous avez des puces, vous pouvez l'avoir parce que c'est l'un des versets qu'ils utilisent. Tel est un son qu'on a dit que. Ça en fait, on dit que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc on parle de quand le corps glorieux. C'est pas pour dire qu'on a égalité avec Dieu, qu'il est Dieu, on est Dieu. C'est pas ça. Là, c'est comme ça qu'il tord ça, d'accord, frère? C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça rapidement. Donc parce que quand Jésus va venir, le corps qu'il aura, c'est le même corps que nous aurons. Parce que le corps que Adam avait, c'est le corps que nous avons maintenant. Ouais, n'est-ce pas? De même comme on a revêtu Adam, on va revêtir Christ de la même façon. Tels sont les terrestres, tels aussi sont les terrestres, tels est le céleste, tels seront aussi les célestes. Mais quand tu montes, tu descends, malgré que tu as revêtu la nature d'Adam, tu ne peux pas faire comme Adam. Malgré qu'on a la nature d'Adam, on ne peut pas faire comme Adam. Adam commandait les animaux. Tu vois le serpent, seulement tu commences à courir, que frère, je ne viens tuer. Pas vrai? On avance ici. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait. Souligné, accusait. Oui, alors ça suppose que, oh frère, c'est vrai que tant que nous sommes ici encore en bas, il y a des choses qui se disent sur nous en haut là-bas. Il s'est communiqué entre eux là-bas. Que tu as vu ton gars là, hein? Regarde. On prêche la de les dormir. Voilà Madame Tani. Regarde. Tu as dit quoi? Le voilà sur la terre. Elle dort. C'est pas ça, frère? Absolument. Un accusateur se tient à ta droite. Donc voilà, maman Anna. On parle. Elle a fait chup depuis. Quand on arrête les pauses, là, quelqu'un marche. Regardez. Maintenant, on dit ici que celui qui accusait est descendu. Frère, il accusait parce qu'il était en haut. Il partait faire le rapport. Il accusait ceux qui sont sur la terre qui disaient qu'ils adoraient Dieu. Ces personnes se sont montées, lui il est descendu. Donc il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vraiment. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc il est descendu. On dit que c'est celui-là qui accusait. Donc à partir de ce moment-là, l'accusation cesse, c'est terminé. Vous comprenez? Frère, à tout moment-là, maintenant, vous commencez à voir petit à petit que l'enlèvement va avoir lieu avant que ces choses ne se passent. Regardez, on continue. Il dit ici, quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui l'est. Accusés devant notre Dieu jour et nuit. Donc le gars ne dort pas, mes chers amis. Tu dors tranquillement. Il dit que tu vois, il a dormi, le voilà un ange qui a de le séduire là-bas. Regarde le rêve qu'il fait. Jour et nuit. Maintenant, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Frère, observez maintenant. Observez. Pendant que cet événement s'est laissé passer, les personnes à qui on a dit qu'il, ça venait de se passer. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Pas ils le vainc. Pas ils le vainc. Ils l'ont vaincu. Donc, ceux qui ont traversé pour monter et Satan est descendu, ceux-là ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous allez tourner, monter, descendre, vous allez revenir sur ce que je vous avais dit. Jésus avait dit que si quelqu'un aime sa vie, si quelqu'un n'aime pas sa vie, il n'est pas digne. Le voilà, voilà le vainqueur. C'est encore présenté, le voilà. C'est ceux-là qui traversent le dragon et ses anges descendent. Donc l'enlèvement, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ça a quelque chose à voir avec Jean 14 qui dit, je vais et quelqu'un d'autre vient après moi. Après moi. Il n'y a rien en moi. Le voilà. Donc celui qui quitte la scène, il vient. Il vient. Depuis qu'il n'est pas encore venu. Donc, imaginez donc les paroles de Jésus. Je vais prendre un exemple d'abord où Jésus était devant le souverain sacrificateur. On a dit que tu es roi. Il dit mon roi, on n'est pas de ce monde. Désormais, vous verrez le fils de l'homme assis à la droite et venant. Et dans une phrase, il dit vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées avec une puissance. Il dit vous verrez. Les Juifs se tiennent devant Dieu. Il dit que non, Moïse, dis à Dieu de ne plus parler, qu'il parle au travers de toi. Il dit que ce que vous avez demandé là, je suis devenu le point prophète. Il dit ça depuis l'Ancien Testament. C'est quand il vient que ça s'est accompli. Donc les gens qui avaient demandé ne sont même plus vivants depuis. Il dit qu'il répond ainsi à la prière que vous lui avez faite là-bas. Donc les Juifs qui sont maintenant avec cette prière là-bas. Dis à ton voisin, comprendre le langage de Dieu. C'est le fait qu'on ne comprend pas le langage de Dieu qui a des problèmes. À un moment donné, l'être humain va mettre ses logiques dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'on va la mettre son intelligence, sa façon de comprendre à la chose du Seigneur. Jusqu'à dire dans ces gens, chapitre 30, 14, verset 30, que le frère a cité, il dit, je m'en vais, le prince de ces mondes arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Il dit, je m'en vais, il arrive. Oh, mais regardez à quel moment il arrive. Et entre je m'en vais et il arrive, il y a des centaines, des milliers d'années. Des milliers d'années. Jusqu'à présent, maintenant, il n'est pas encore arrivé. Je m'en vais. Ça s'est accompli. Il arrive. Il n'est pas encore arrivé. Ça va toujours avec Jean-Luc, verset 31, il dit que je voyais. Satan tombé du ciel. Mais ici, il dit que maintenant, le prince de ce monde est jugé. C'est le chapitre 16 maintenant, verset 30. Verset 28 et 30. Oui. Le jugement. Il s'agit de cette chute-ci qu'il est en train de prophétiser. Absolument. Souvenez-vous, même dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples sont allés guérir les gens, il est rentré, il a dit, Seigneur, j'ai traité les gens aujourd'hui, je veux que pas les chasser. Il ne vous réjouissez pas, je fais que vous soyez soumis entre les mains. C'est pour dire qu'il y aura encore le réveil de la médaille du combat. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Je voyais Satan tomber du ciel. Alors maintenant, il va nous dire que non. Il a dit, je voyais Satan tomber. Ok, maintenant, quand il dit, il voit Satan tomber, Jésus était omniprésent. Jésus-Christ était omniprésent. Était omniscient. Ok, était omnipotent. Ok, il voit Satan tomber du ciel. Le problème, c'est que la Bible n'a pas dit qu'il tombait du ciel sur la terre. La Bible, c'est dit qu'il tombait du ciel. Donc, il a été délogé du ciel de Dieu vers le bas. On n'a pas dit là-bas qu'il est tombé du ciel sur la terre. Ici, on dit clairement qu'il a été chassé du ciel pour aller sur la terre. Deux choses différentes. On a d'abord le délogé du ciel de Dieu. Bon, pour le rabaisser. Maintenant, on le rabaisse maintenant jusqu'au niveau des mortels. On peut avancer. J'ai remarqué quelque chose, qu'à chaque fois qu'il a rabaissé, les ténèbres sont grandes sur la terre. Nous y voilà. Lorsque l'Apocalypse, le type de l'Apocalypse là va arriver sur la terre, l'Antichrist, dans Apocalypse chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, frère, ce sera grave. Pourquoi? Parce que ce sont les chrétiens remplis de Saint-Esprit qui sont la lumière du monde. S'ils sont enlevés, la terre entière est dans les ténèbres. Donc, vous allez voir comment les gens vont faire de vos sexualités en plein jour. Sur la terre, il est sur la terre. Vous allez voir les chiens en train de coucher avec une femme, le cheval en train de coucher avec les êtres humains sur la terre en plein jour. Lisez seulement Genèse chapitre 19 et voyez ce qui arrivait à Sodome. Regardez ce qui est arrivé. Jésus a dit qu'en ce temps-là, ça va arriver. Ce n'est pas en plein jour qu'on voulait violer les anges. On dit que toute la terre était sortie, les grands comme les petits. Donc les petits enfants, ils nous ont été devant le père. Le père dit que foutez, c'est pas mon. Non, ici nous voyons, c'est pour nous. C'est ce que la Bible déclare. On dit toute la vie, les plus grands, les plus petits sont sortis pour coucher avec les anges. Donc même les enfants étaient en état de rapport sexuel. Parce que là, on avait entraîné les enfants maintenant au niveau du port de condom et autres, à l'école. C'est l'entraînement de l'antichrist, les préparations. C'est l'armée de Satan qu'on a préparé comme ça. Donc frère, lorsque l'église épouse est enlevée, la terre est totalement dans les ténèbres. Alors l'apostasie va arriver au niveau de son paroxysme. Et maintenant, lorsque chaque fois quand le péché est sur la terre, parce que son péché, le péché pèse sur la terre crie, vous savez ça? Si la terre crie, Dieu doit devoir répondre par le jugement. Voilà pourquoi Dieu l'a dit qu'à cause des élus qui sont dans le monde, les juifs, il va abréger pour que ça n'arrive pas. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Frère, parmi nous ici, qui est sauvé? Ceux qui sont sauvés, levez les mains. Si vous êtes sauvés, vous savez que vous êtes sauvés, levez les mains. Ok, maintenant, vous dites, nous sommes sauvés. On dit que si les gens étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Je vous avais parlé du mot salut dans la Bible et de sauver. Lorsque sauver ou le mot salut est utilisé, faites attention à l'utilisation. Non, je vais perdre mon salut. Je vais perdre mon salut. Alors maintenant, il faut dire que soyez prêts pour le salut qui est prêt à être manifesté au dernier temps quand Jésus viendra. C'est de quel salut qu'on parle? Comment tu vas perdre ce salut alors que tu n'en as pas encore? Comment tu vas faire quelque chose que tu ne possèdes pas encore? Comment le Seigneur qui t'a sauvé, t'a amené dans le lieu céleste, et il va te perdre depuis le ciel, alors qu'il a dit que personne ne peut les arracher de mes mains. Qui ne peut pas se perdre. En fait, de toute façon, quand il comptait le nombre là-bas, tu ne te trouvais pas, tu t'es seulement trompé que tu étais là-bas. Il dit, si tu ne viens pas, par la suite. Vous me saisissez? Très bien. Ok, maintenant, c'est très bien là-dedans. Merci. Donc, en fait, si tu es sauvé de la bonne manière, il n'y a plus de possibilité que tu te perdes. Parce qu'il a dit que j'ai encore de bébés, celles-là, je les amènerai. Qui doit vous amener pour vous jeter? Vous saisissez là, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que le Père qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne les a arrachés de leurs mains. Donc, si tu viens à Christ aujourd'hui, le Père t'avait donné à Christ avant que Christ ne vienne au monde. Tu te bats seulement ici parce que les pensées néfastes viennent. Tu crois qu'un tel, tu crois que tu es sauvé. Quoi que tu n'es pas sauvé, que tu es sauvé, tu es quand même sauvé. Que ne parlons pas à savoir. Si tu veux, tu crois, je vais le dire la vérité. Ok, t'es parce que tu es garçon. Tu dis que je ne me sens pas garçon. Tout le monde peut te regarder, tu es quand même garçon. Même si tu es pas, tu dis que non, je sens comme si j'étais une fille. Tu es quand même garçon. Ça ne dépend pas. Le salut là, ça ne dépend pas de quelqu'un. Hein, mes chers frères. Donc, passons ici. Vous allez me tourner ici. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 là. On a dit d'avancer. Souvenez-vous, on a lu Apocalypse chapitre 13 ici. On a mis entre parenthèses. Je vous ai parlé de Matthieu chapitre 24, versets 8 et 9. On a mis entre parenthèses. Je vous ai parlé des trompettes qu'on va en parler. D'accord? Ici, regardez, verset 11 encore. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je sais l'insister ici parce que je sais quels dégâts ces paroles se font dans le milieu pentecôtiste. Oh, bien aimé, envoie le sang sur les yeux. Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu. Il lit comme ça, il ne comprend pas ce qu'on a dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Remarquez bien, observez dans votre Bible, regardez. On va relire ça maintenant pour vous allez voir comment c'est amusant. Regardez, verset 11. Ils l'ont vaincu avec du sang de l'agneau. Vous avez lu ça? Hein? C'est ce qu'il écrit, non? Ah non, je crois qu'ils avaient le sang, ils avaient le sang, ils vainquent. Démon, toi qui viens vers moi, bois le sang de Jésus. Mais c'est qui va vomir ça tout de suite, parce que le sang de Jésus ne peut pas être compatible avec eux. Regardez, ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est à la croix. La victoire qu'ils ont obtenue, c'est à cause du fait que Jésus ait versé son sang pour eux. Et à cause de ce sang que Jésus a versé pour eux, ils ont tenu ferme, abandonnant toute leur vie. C'est pour cela qu'ils sont dignes de participer avec lui dans la gloire. C'est ce qu'il écrit. Ils ont mis leur foi uniquement à la croix. Révélation encore verset 11. Ils l'ont vaincu. Souvenez-vous, ils l'ont vaincu. Il s'est mis pour Satan. L'Église a vaincu. Donc, c'est de l'Église qu'on avait parlé ici, l'épouse. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le seul fait qu'ils sont tournés à la croix. Ils ont mis leur confiance à ce qui s'est passé à la croix. Et puis, ils ont témoigné leur foi par leur parole en vivant, en abandonnant toute leur vie. Regardez. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est à cause de ça qu'ils ont vaincu. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, à celui qui vaincra, lui donner autorité sur les nations. À celui qui vaincra, il s'assiera sur mon trône, je le ferai asseoir, le vainqueur. S'il vous plaît, voilà. Caractéristique, uniquement la croix. Deuxième chose, totalement confiant en Jésus-Christ. Troisième chose, fuit entièrement et se désarmer totalement par rapport à sa vie. C'est prêché d'abord au verset 11. Alors ce groupe dit, sont des vainqueurs. C'est-à-dire que, quel qu'en soit ce qui peut arriver dans la vie, si tu meurs au nom de Jésus-Christ, si tu es parmi le groupe. C'est jusqu'à ce point-ci. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, on continue. Donc, avec le sang, là, c'est clair, n'est-ce pas? Non. Distribuez le sang maintenant des sorciers, vous voulez. Verset 12. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Arrêtons-nous là-bas. Ces mots, ceux qui sont dans les cieux, on a lu ça quelque part quand on était aujourd'hui. Vous vous souvenez là, on a lu? C'est où? Ah, c'est grave. Il faut vraiment la bouillir. Quand nous avons lu Daniel, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, on a vu qu'il va parler de langage bizarre, le blasphème de Dieu, et pour les habitants qui sont dans le ciel. Les voici. Ceux qui sont dans le ciel, ce sont ceux qui sont quittés de la terre pour monter, et Satan sont donnés. Alors, on commence à dire maintenant, réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux, vous qui habitez désormais dans les cieux. Vous entendez, n'est-ce pas? Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Pourquoi ils doivent se réjouir? Parce qu'avant, ils ont eu des problèmes sur la terre, vraiment. Les anges se réjouissent toujours. On n'a pas besoin de lui donner une injonction particulière par rapport à la louange, et par rapport à l'adoration de Dieu, et par rapport à quoi que ce soit, parce qu'ils l'ont déjà ça depuis l'éternité. Voilà. Et soit parce que vous serez consolés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ceci, c'est pour l'Église. Amen. Regardez. On y va. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous y êtes? Voilà, il lui faut 7 ans seulement pour agir sur la terre, lorsqu'il dit ça. 7 ans seulement, il est fini. Le temps des chérubins, Lucifer, tient à sa fin. Nous avons 2 voies maintenant. Soit nous allons le suivre avec lui, soit nous allons suivre l'ange de l'alliance, Jésus. Il n'y a que les 2 voies. Donc, vous voyez très bien que même si tu construis les sous-marins comme les Américains sont en train de faire, la Bible a dit malheur à la terre et à la mer. Ce n'est que les seuls endroits où on peut se réfugier quand on est ici en bas. Ce n'est que les seuls endroits où tu es dans la forêt ou tu es dans la mer. Donc, tu construis ta maison sous la terre. Il va te trouver. Regardez, il dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Alors, mes chers amis, la colère de Satan sera déchaînée avec toute sa haine. De la même façon comme l'amour de Dieu va se manifester pour ceux qui sont montés vers les cieux, dans les cieux. De la même façon, le contenu de cet amour-là sera de se manifester sur la terre à ce moment-ci. Alors, il dit, verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Frère, ça devrait être clair. Écoutez bien maintenant. Écoutez. L'enlèvement, l'église monte. On déloge Satan, il descend, il se concentre sur Israël. Il se concentre sur Israël. Israël qui avait fait que Jésus-Christ vient au monde. Pourquoi? Parce qu'on a identifié que c'est un dragon qui descend sur la terre. Ceux qui l'ont fait déloger de la terre, qui ont pris sa place au ciel, si vous voulez, en quelque sorte, c'est à cause du sang. D'abord du sang. Alors, le bouc émissaire, c'est qui? C'est Israël. C'est chez toi qu'il était venu. C'est chez toi qu'il est venu. C'est chez toi que le sang a été versé. C'est pour ça qu'on m'a vu. Donc, vous allez me sortir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, il va se tourner vers Israël. Il va faire l'alliance avec Israël. C'est la situation pour les arrêter, pour les attraper de Dieu. Mais jusque-là, Satan, pendant qu'ils sont des lits comme ça, frère, Satan ne comprend pas que. Il croit que. Frère, vous comprenez? Je veux dire que Satan est un serviteur de Dieu. C'est écrit noir et blanc, même dans sa bibliothèque, il lit ceci. Vous savez ça? Mais il ne comprend pas que son alliance avec Satan, parce que le but ultime de Satan a été toujours que l'être humain l'adore. C'est-à-dire que l'être humain enlève l'adoration qui devait être à Dieu tout seul, lui seul. On tourne cette adoration vers lui. C'est son but là-bas. Quand il part en Israël, c'est temple, ça soit dans le temple d'Israël, pour que les Israélites font comme si l'adorent. Il va dire que si tu veux, soit Dieu au ciel là-bas avec tes progressions, j'ai ma progression ici sur la terre. Il ne sait pas toujours que Dieu n'a pas fini avec la terre. Parce que la Bible déclare que les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Donc après l'avoir chassé du ciel pour les cieux, il a chassé du ciel pour la terre. Il va encore venir le chasser de la terre pour les abîmes. Les profondeurs de la terre se meuvent dans ses entrailles pour t'attendre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous entendez, n'est-ce pas? Voilà. Pour lui. Frère Ferrand, le feu de l'enfer, Dieu a pris ça où pour créer? Pour créer, c'est où? Là où il a pris le feu. Dieu a pris le feu où pour créer l'enfer? Dieu lui-même est un feu de l'enfer. Ok. Il ne peut pas prendre son feu parce que son feu est un feu purificateur. Comment? Il a sorti ça de Satan. Applaudissez pour le frère, c'est. Applaudissez pour le frère, il n'a pas jamais. Applaudissez pour le frère. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que le feu qui brûle en enfer, Dieu a pris ça sur Satan pour le fabriquer. Tu veux, il veut citer sa parole maintenant là. Je fais sortir de toi un feu qui te dévorera. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Vous avez lu la Bible. Tu vas lire la Bible. Mm-hmm. Donc tu vois que c'est pas moi qui ai parlé, nos autres frères. C'est celui qui s'est venu. Je vais dire quelque chose sur le point où tu dis que Satan lit et tu ne comprends pas. Oui. J'ai déjà vu ces choses là dans des films chinois. Mm-hmm. Donc, un expert avec l'autre en combat. Mmh. Il vient dire que je vais te toucher sur l'œil, sur le nombril et sur l'orteil. Il dit que j'ai... Celui qui est en face, il a compris bien la chose. Mmh. Mais ce qui a son problème, c'est qu'il veut voir d'abord avant d'accepter, avant d'accepter si c'est vrai. Tant que la chose n'est pas encore faite, il n'accepte pas que c'est vrai. Et celui-là, on fait pam, pam, pam, ça c'est vrai. Et il se rend compte que quand il est tombé. Donc c'est la position de Satan. Lui, il sait que c'est Dieu a dit qu'il va le tuer comme ça. Mais il dit que non, c'est quand ça va arriver que je vais accepter. Et ça arrive toujours. Oui, oui, ça arrive toujours. Depuis qu'il est Satan là, il n'a jamais reçu un coup. Vous savez ça? Mais ce qui est curieux, c'est ça. Dis à ton voisin, Dieu réussit toujours. Satan échoue toujours. Je m'étonne de quel genre il fait là-bas chez eux. Parce qu'il ne reçoit jamais rien. Il ne fera jamais rien à un enfant de Dieu. Par exemple, s'il dit, voici la voiture qui est d'aller à Mbanga, il y a un enfant de Dieu à l'intérieur, il fait boum. La blessure va là-bas. La Bible déclare que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Donc il a seulement fait jusqu'au niveau où Dieu a voulu. Il n'a pas fait ce que lui il voulait. Il ne fera jamais ce que lui il veut. Parce que la Bible déclare qu'il ne nous livre pas au bon plaisir du méchant. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas, frère? Donc, bien aimé, le feu de l'enfer, Dieu n'a pas créé comme ça là que mon feu sort là-bas, je te mets là-bas. La Bible déclare que le feu de l'enfer sort de chez Satan. Le frère en somme est très conseillé. C'est comme il est en train de marcher, le feu là est sur lui. Satan se revient. En fait, lui, il est d'abord le feu. Vous savez, c'est ce que la Bible de Lucifer, l'ange de lumière, porté de feu, il est fait avec le feu. Vous savez ça? Ok, deuxième chose. Le feu de l'enfer se trouve sous la terre. L'enfer se trouve sous la terre. Vous savez ça? Hein, frère Brian? L'enfer se trouve où? Comment? Nous, je vais comprendre. L'enfer se trouve sous la terre. Sur la terre, hein? Donc tout se fait ici-bas. Sous la terre. Sous la terre. Tu dis qui a fait comprendre comme comprendre ça? Non, je pose la question, toi, que la Bible dit que ça se trouve où? Le frère, il faut qu'il réponde à la question si c'est le magma. Si il dit oui, avant qu'il dise que non, le feu l'enfer se trouve en bas. C'est vous qui avez dit. Alors, lorsque Satan descend sur la terre et qu'on a parlé de la malédiction sur la terre, maintenant, la Bible déclare qu'il va vers la femme qui avait enfanté le fils mâle qui lui crée trop de problèmes comme ça. Vous y êtes? Il va vers la femme. Remarquez très bien. Observez très bien. Observez. Si vous avez lu jusqu'à dernier chapitre 12, vous allez voir maintenant, il séduira les traîtres d'alliance. Vous avez lu ces choses, ces paroles ici dans le livre chapitre 11 de Daniel, chapitre 12. Il séduira les traîtres de l'alliance. Plusieurs succomberont. Vous y êtes? Ok, maintenant, lisons. Avec Daniel chapitre 11, chapitre 12, donc, on peut en parler avec ce qui se passe ici. Regardez. On dit, verset 13 de Apocalypse chapitre 12, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Qui? Israël, maintenant. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Frère, c'est ça le problème. L'aigle, c'est le symbole des prophètes. L'aigle, c'est le symbole des prophètes. Les ailes symbolisent la puissance, l'expansion et l'habilité de ces prophètes-là. Donc, durant le moment où il descend, quand l'église monte, il vient signer l'alliance, deux prophètes sont donnés à la femme d'Israël pour le soutenir. Vous y êtes? Il n'y a pas de livre plus intéressant dans la Bible, c'est que l'Apocalypse. Je vous le dis. Observez, on continue. Regardez bien. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin que. Je vais encore lire ces phrases parce que quelque chose vient d'arriver là maintenant. Merci, Père. Regardez, observez ici. Observez ici. On n'a pas dit deux aigles furent données. Regardez, on dit. Et, vous y êtes, les deux ailes du grand aigle. Oui. Voilà votre point qui se traîne devant le grand aigle. Ah, c'est merveilleux, frère. Les deux ailes du grand aigle. On n'a pas dit que le grand aigle vient. Vous savez que dans la Bible, on appelle Dieu appelé le grand aigle. Qui c'est? Si quelqu'un montre, vous avez le pupille, il va vous montrer où c'est écrit. Oui, papa, t'as dit non, c'est écrit où? Oui, tu es sûr? Montre alors l'endroit où c'est écrit. Une fois. Dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Exode. Vous dites que même dans l'Exode, il a dit que vous êtes transporté sur les ailes de l'aigle à Israël. Littéralement, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel que le grand aigle, Dieu est le grand aigle. Maintenant, on dit que elle est deux ailes du grand aigle. Voici, le frère s'est apparu tout à l'heure de Zacharie, des deux chérubins, des deux oies qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est lui que c'est que Dieu envoie sur la terre. Oui, n'est-ce pas? Moïse vient. Oui, Élie vient. Il dit les deux ailes du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Donc, à ce moment-ci, maintenant, deux prophètes apparaissent. Et voilà, vous vous trouvez maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 1 et 3, où les deux prophètes viennent et surgissent pour pouvoir annoncer quelque chose à Israël. Vous y êtes? Satan descend. Dieu connaît le plan. Il a prévu que les gens vont venir parler à la femme, à Israël, pour qu'il fasse attention avec la personne qui est là pour lui dire que ce n'est pas votre Dieu ici, ce n'est pas votre Messie, ce n'est pas lui qui est le Messie, c'est l'Antichrist. Vous saisissez, n'est-ce pas, frère? Ok. Suivant ce que les deux ailes du grand aigle sont censées faire. On dit que ces deux ailes leur furent données pour qu'ils s'envolent dans le au désert, où il y a un lieu pour préparer. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Donc, durant ces 3 ans et demi de prédication de Moïse et d'Élie, toute persécution qui va venir en Israël, tous ceux qui seront sous cette persécution seront nourris de passions, de façon surnaturelle, comme Élie était ici. Il a prêché, il a donné l'autorité qui ne pleuve pas et il a été nourri exactement. Partout où il a passé dans les difficultés, dans les déserts, il a été nourri. On a dit que Dieu va le faire de la même façon pour Israël encore. Mais c'est de ses frères. Ok, regardez. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert. Qu'elle s'envolât au désert. Afin que, donc les deux puissances des deux prophètes étaient là pour se donner pour qu'ils puissent passer dans les difficultés, dans toutes les difficultés qu'ils vont avoir. D'accord? Pas qu'ils n'allaient pas fuir pour aller dans le désert des Tignes ou bien dans le désert des Tsoan. Non. Les deux ailes. Ils sont en Israël. Ah, attendons. Arrangeons une chose là maintenant. Arrangeons une chose là maintenant. Arrangeons une chose là maintenant. Merci Père. Avant que l'enlèvement ait lieu, ou bien que le pacte sur les poules juifs puisse être, aucun juif ne se trouvera dans le monde entier. Aucun. Je pense que pas. J'ai dit, il y a plusieurs nations dans le monde. Prenons les carreaux sur comme les différentes nations. Ici, c'est le territoire des juifs. Avant que la terre, l'Antichrist signe le pacte, Dieu a dit dans les prophéties, si vous avez lu Zacharie, vous avez lu Ézéchiel, comme je vous ai dit, il a dit clairement qu'avant ce jour-là, il va dire aux septentrions, viens et ils viendront. Il va dire au sud, viens, ils viendront. Donc, Dieu va faire une réunion des juifs qui vont rentrer. Les juifs vont retourner en Israël totalement et absolument totalement. Aucun juif ne sera dans le monde. Deux vont rentrer comme ça sans connaître pourquoi ils sont rentrés. Frère. Mon frère. Oui. Il y a un petit problème, frère Véran, oui, oui. Parce que lorsqu'il est en train de frapper Babylone, oui. Il dit à son peuple de sortir. De sortir. Babylone, maintenant, ça, c'est l'Église catholique. C'est pas, il a donné l'avertissement jusqu'à maintenant. Mm-hmm. C'est pas Israël. Israël ne se trouve pas dans la Babylone. Je dis dans Apocalypse 18. Oui, il oui. Avait dit encore à son peuple de sortir. Oui. Il a dit de parler au système. On a parlé dans le chapitre 13 de l'image de la bête. Mm-hmm. J'ai mis ça entre guillemets. Donc on n'a pas encore parlé de l'image. Remarquez très bien que le peuple de Dieu se trouvait à Babylone en train de vouloir adorer une image. D'accord, je dis que cette image, on va parler et on va parler de l'adoration. Il ne s'agit pas des Juifs parce que la Babylone là-bas, c'est l'Église catholique avec toute la religion mondiale. D'accord, le gouvernement mondial dans l'Église. Donc tous les chrétiens réunis. C'est donc les questions là-bas. Il a dit n'avertir, c'est pas que mon peuple sortit du milieu d'elle. Sortit du milieu d'elle. Le peuple de Dieu, ce n'est pas le Juif là maintenant, ce sont les chrétiens qui se trouvent à l'intérieur dans ce système dénominationnel. À qui ils ont averti les sorties. Donc ce n'est pas les Juifs ici là maintenant. À ceux qui ont raté l'enlèvement. Parce qu'il va donner n'entrez pas là-dedans, ne faites pas ces choses. Parce que vous entrez là-bas, vous prenez la marque, c'est l'avertissement qui va être donné. Vous avez la marque, vous allez subir le même châtiment. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est quoi que c'est réglé? C'est pas chronologique. Il n'y a aucune chose ici dans la Bible chronologiquement. Dieu a embrouillé les embrouilleurs. D'accord, mon frère? C'est pas à cause de la chronologie, c'est parce qu'on est peuple qui sortait du milieu d'elle. D'accord? Ok, mais là, remarque très bien, si tu veux même avec le type, même si tu vois cela, quand les Juifs étaient à Israël, quand les Juifs avaient été amenés en captivité, vous allez voir le prophète Jérémie, le prophète ils avaient dit que sortez de Babylone, elle est tombée de Babylone, le grand, sortez de Babylone. La même chose qu'il a dit, c'est le peuple des Juifs. Les Juifs qui étaient à l'intérieur, qui n'avaient pas adoré la marque de la bête, l'image, il y a une promesse de sortir de cela avant que la tribulation frappe sur Babylone. Tu m'appelles, n'est-ce pas? Ok, donc, nous avons ici. Et dans cet Apocalypse chapitre 12, pour montrer clairement que c'était Israël, et nous avons établi que le Fils là, qui va perdre les nations, c'est Jésus-Christ. Et nous avons vu très bien que le dragon a été chassé, alors que l'autre est déjà monté. Donc ça ne peut pas être l'Église épouse. Et alors maintenant, quand il descend, donc il va vers la femme, donc Israël, parce que la femme de Christ ne se trouve plus ici. Mais pendant que les nœuds sont en train de passer en haut maintenant, il est en train de draguer l'autre femme de Dieu. Pendant que l'annonce de Jésus allait se passer en haut avec l'église, Satan même fait la cour à sa femme. Et c'est que, vous savez, si vous prenez Jésus, que Jésus, Dieu, Jésus, que c'est qu'il a deux femmes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais c'est un seul corps. Avançons ici. Regardons. Verset 15. Et de sa bouche, non. Verset 14 n'était pas fini. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Vous voyez ça, frère? Vous voyez la préparation, la nourriture spirituelle, la nourriture pour préparer les jupes à subir la persécution. Regardez bien. Durant ce temps, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois exactement. La même longueur de la prédication des deux témoins qui est 1260 jours. La même longueur de la première année où l'Antichrist va signer, le milieu de l'année où va arrêter l'alliance, 42 mois, tel que c'est écrit dans Daniel. Donc vous voyez, les choses de Dieu sont tellement claires et propres pour qu'on puisse saisir les choses exactement comme il a dit. Maintenant, il y a une chose qu'on va voir. Si vous ouvrez la page de l'ONU, vous avez sur le site de l'ONU, www.onu.org, la première chose qui sort, c'est paix et sûreté. Première chose. Je vous avais dit ça la prochaine fois. Si vous avez tapé, vous avez voir ça. La première chose qui sort ici à la tête, vous avez, quand on met une page d'accueil, on met par exemple accueil, notre, qui sommes-nous, et ainsi de suite. Pour l'ONU, la première chose à gauche, c'est paix et sécurité. Vous voyez le signe de la fin du temps. Et la Bible déclare que lorsque ils vont établir ces choses, paix et sécurité sur la terre, une ruine soudain vient. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que durant ces 3 ans et demi, les gens qui vont croire à ces messages vont se préparer à la venue du Seigneur. Alors durant ces moments-ci, il y aura un réveil spirituel en Israël véritablement. Satan ne peut plus tromper les gens. La lance sera rompue et il va commencer maintenant. On va voir son vrai visage à partir d'ici. Il va tuer maintenant les traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance. Souvenez-vous, dans ces Jérémie chapitre 30, là, si vous lisez Jérémie chapitre 30, ce sont les chefs qui signent cette alliance-ci en incluant, en vous montrez, vous descendez. Quand Arès, on va chier. Si c'est lui qui signe, les Bab-Peuples ne sont même pas là pour savoir. Donc ce sont les chefs qui peuvent livrer Israël comme ça. Alors certaines personnes vont se livrer, vous dire, ne faites pas tes choses, ne faites pas tes choses, on va commencer à les persécuter. Dieu va envoyer donc les prophètes pour le faire. Et ils vont se préparer. D'accord, bien aimé? 144 000 personnes donc vont être là-bas, prêts à attendre le Seigneur Jésus-Christ. Il les suit partout où l'agneau va, sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, comme vous entendez, c'est le lieu exactement des résidences de Jésus à Jérusalem, où le temple sera bâti. Il sera là-bas, il viendra sur la terre. Amen. Mais avant cela, il faut qu'il enlève son épouse. Il faut qu'il enlève son épouse hors d'ici. D'accord? Donc, si vous lisez Matthieu, oui. Ça veut dire que lorsque Christ se présente, le moment où Christ se présente aux Juifs n'entre pas dans la chronologie des semaine. Attends. Allez, on y va doucement. De cette distance-là, si vous ne voyez pas bien, on peut dire, on va y aller. Et regardez très bien. Lisez, prenez d'abord Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Thessaloniciens, pour qu'on puisse lire d'abord. Maintenant, si vous avez 2 Thessaloniciens, je vais commencer à vous citer les Écritures là maintenant. On y va? Ok. Il dit 2 Thessaloniciens. Vous y êtes? Chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Lisons les versets 4 à 10. Allons-y. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Frère, la Bible est terrible. Vous voyez, je vous ai dit le langage de la Bible. Vous voyez, l'apôtre Paul commence à dire, Jésus qui va apparaître avec les anges de sa puissance, pour nous allons dans le repos et pour punir ceux que tout ce qu'il a dit, vous voyez que quand Jésus va venir à Dieu, il va punir les gens. Pourtant, il y a des écarts entre tout ce qu'il a de dire là maintenant. Il dit bien, pourtant, il y a les écarts. On va toucher quelque part là-bas. Allons-y. Continuons. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Allons. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ça, arrêtons là-bas. Donc, si on prend seulement le temps pour parler de ces 5 versets, 6 versets des anciens, c'est encore notre un jour là-bas maintenant. Parce que plusieurs choses sont notées là-bas. Alors, chapitre 2, on va voir quelque chose dans chapitre 2. Bon, observez ici. On dit qu'il vient au milieu d'une flamme pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Vous avez vu? Quand il vient au milieu de ce feu, c'est pour juger, n'est-ce pas? Ok, maintenant, lisons le chapitre 2 à partir du verset 1. Écoutons très bien. Écoutons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, oui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Stoppons. Regardons. Relisons encore le verset 1. Allons-y. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui... Stop. Vous avez vu ce que l'apôtre parle, le son ne s'est pas parlé là. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, ne vous laissez pas ébranler par quelque chose comme si c'était nous qui avons fait, comme si le jour du Seigneur était là. Attendez, regardez. Pour ce qui concerne le moment où Jésus va venir pour chercher son église, ne vous laissez pas ébranler comme si c'était que son retour était déjà là. Vous voyez deux choses différentes. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ne vous laissez point ébranler par quelques lettres ou par quelques paroles qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Ouais, c'est deux choses différentes qu'on a de parler là maintenant. C'est terrible, vraiment. Ouais, là, n'est-ce pas? Or, le jour de Christ, l'avènement de Christ et le jour du jugement sont des événements totalement différents. Parce que le jour du Seigneur est marqué particulièrement par des frappes chirurgicales de Dieu. Quelqu'un dit frappe chirurgicale. La frappe divine chirurgicale. La frappe divine chirurgicale. Voilà, donc c'est ça le jour du Seigneur. Si vous lisez Osée chapitre 1, ou quoi, Sophonie chapitre 1, verset 1 et verset 14, on dit que le jour de l'éternel arrive, le jour grand terrible, le jour de ténèbres, le jour d'obscurité, le jour d'angoisse. C'est ça, n'est-ce pas? Or, quand Jésus vient, ce n'est pas ça. Or, remarquez très bien qu'il vient de parler de pour ce qui concerne l'avènement. Donc, il veut dire, en ce qui concerne ces choses-ci, il y a certains événements qui vont se passer. Maintenant, je vais laisser relire ce texte à partir du verset 1 pour que vous compreniez la faute que les interprétations des gens ont amené une interprétation fausse là-bas. Allons-y, frère. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Et notre réunion avec lui, oui. Nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, oui. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous avez vu là où c'est arrêté? Maintenant, observez. Alors, allons-y, continuons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Stop. Il y a un problème ici par rapport à la compréhension des deux premières choses que l'apôtre Paul a dit. Il dit qu'il faut que, observez bien, je vais citer maintenant ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître le fils, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, il commence à citer des choses qui vont se passer dans différentes époques. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Il va s'asseoir, il prophétise encore même. Il va s'asseoir, c'est là où il va dire, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, il s'appelle lui-même Dieu. Alors maintenant, je vais vous donner l'interprétation de quoi il est question. Voici donc là où les théologiens sont arrêtés. Voici là où, parce qu'il y a là trois positions par rapport à cet enseignement. Si les gens disent que non, l'église va passer par la grande tribulation. D'autres disent non, c'est au milieu des tribulations que l'église sera enlevée. D'autres disent que non, l'épouse va être enlevée avant que les grandes personnes vont avoir lieu. C'est la position que je suis en train d'enseigner. Qu'est-ce qui a conduit certaines personnes à dire que non, ils vont passer par la grande tribulation? C'est parce qu'ils ont lu ceci. Ils ont dit, ne vous laissez pas séduire par quelques lèvres, par quoi que les personnes qu'on dira venir de nous. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Et qu'on ait vu l'homme d'iniquité. Vous avez vu, n'est-ce pas? L'adversaire qu'on ait vu. C'est pour ça que je veux dire, si vous ne comprenez pas, lorsqu'on en a parlé pour l'église épouse et pour l'église point, c'est que vous aurez le problème. Et là, c'est les deux choses différentes. Parce que c'est justement parce que l'apostasie va se manifester que le jugement de Dieu va venir sur la terre. On a vu ça tout à l'heure là que quand l'apostasie se manifeste à son paroxysme, lorsque l'homme d'iniquité se trouve sur la terre, tout ce qu'on a vu là tout à l'heure là, c'est parce que la lumière du monde a été enlevée. Les chrétiens ont été enlevés. Or, l'apôtre Paul dit que il faut qu'on ait vu l'homme. Or, quand il dit voir l'homme, chaque fois, il vous a dit tout à l'heure, chaque fois qu'on va parler de quelque chose, l'envie va avoir lieu. Quand tu vois l'homme d'iniquité se manifester sur la terre, celui qui, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Pourtant, devant cet adversaire, lorsque l'Église était sur la terre, Jésus lui a ramené le pouvoir sur lui. C'est cela, n'est-ce pas? Pourtant, cet homme-ci qui se manifeste dans le temple de Dieu, lorsqu'il est spirituel, Jésus a donné le pouvoir à toute l'Église. Là, son épouse de marcher sur lui et qu'il ne peut pas aller nuit. Or, voilà pourquoi la puissance se trouve dans son Église. Il ne peut pas, celui-ci ne peut pas se manifester alors que l'Église se trouve au milieu. Donc, l'Église est enlevée. Maintenant, on voit le monsieur se manifester. C'est pour cela que le jugement peut venir frapper maintenant parce que le péché va grandir. Je suis en train de dire ceci. On dit, il faut qu'auparavant, on voit. Les gens comprennent que il faut que l'apostasie d'abord grandisse et qu'on brûle ça pendant que Dieu en est frappé avant qu'il enlève l'Église. C'est ce qu'ils ont compris. Pourtant, il y a deux notions que Dieu en a fait ressortir dans le livre de Solution. Il a d'abord répondu à la question que non, ne comprenez pas que l'enlèvement du Seigneur, c'est maintenant. Oui, n'est-ce pas? Ne pensez même pas que le jour du Seigneur est déjà là. Après, il dit maintenant, par rapport au jour du Seigneur, avant que ce jour n'arrive, pour que ce jour n'arrive, il faut que l'apostasie grandisse. Il ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, il a mis de côté. Chaque fois, ça va se passer de façon silencieuse. Chaque verset, vous allez voir l'enlèvement, ça va se passer de façon silencieuse. Vous savez, c'est là, après. Sinon, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre comme si vous lisez ça littéralement, vous allez saisir comme si. Normalement, il faut que l'Antichrist se manifeste sur la terre. On commence à voir le péché grandir avant que les religions soient enlevées. D'après, si vous lisez comme ça, vous allez comprendre que c'est comme ça. Pourtant, c'est parce que j'ai dit qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'il vient, nous nous réunissons avec lui. Regardez bien. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser séduire, soit par quelque lettre qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Voilà, n'est-ce pas? Comme si le jour du Seigneur était là. Il faut d'abord qu'on ait vu l'homme depuis. Il a fini avec l'enlèvement depuis. C'est le jour du Seigneur dont il est parlé. C'est les caractéristiques d'avant-jour du Seigneur qu'il a vu devenir. Vous saisissez, frère? C'est ce que je comprends. Maintenant, allons-y. Il veut toucher quelque part parce qu'on a parlé de la personne de Jésus. Allons-y. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On a résolu le problème du temple ici là maintenant, n'est-ce pas? Parce que le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est le temple du Saint-Esprit maintenant. Satan ne peut pas entrer en lui. Parce que pour que Satan puisse entrer dans tous les chrétiens, il faut qu'il soit omniprésent. C'est-à-dire qu'il soit capable d'être en toi. C'est seulement Dieu qui a ses capacités. Donc, comme il est unique, il doit s'asseoir dans un temple unique. Donc, c'est un temple physique dont on parle ici. Oui. J'ai simplement vous poser une question. Oui. Comment alors a-t-il fait pour se retrouver dans les 400 prophètes? Dans quels 400 prophètes? Dans les 400 frères de séduction. Ne t'inquiète pas, applaudis pour frère Perrin. Vous avez de bonnes questions, franchement. Je veux un frère ici. Je veux seulement pas un négat, faut que vous d'accord pour répondre à sa question. Je veux un frère ici, une soeur ici, un autre frère ici. Trois personnes seulement, volontaires. Si vous avez le sommeil, me pendez-vous là comme ça, vous profitez que le sommeil ne vienne pas. Suivez sa question. Je dis ceci. Satan ne peut pas être en même temps dans l'être de celui-ci, d'accord? Je dis cela. Et le frère Ferrand a dit, mais dans ce cas, comment se fait-il qu'il soit dans les prophètes de Baal? Dans les prophètes, ils sont plus de 450 autres. Voilà les gens qui ont sommeil là. Mais là, chacun reste dans son carreau. Voilà. Je vais prendre un seul exemple. J'étais en train de citer pour Jézabel. Je suis en train de citer pour Acab. Dans un roi, je me vendu, non? Ouais. Il n'y a pas de problème. L'esprit qui a dit qu'il sortait là-bas, qu'il pourrait aller être dans la bouche de ses prophètes. Non, il n'y a pas de problème. J'arrive, frère. Ok. Maintenant. Oh, frère, je vais dire ça et puis je vais expliquer quelque chose d'accord dans le domaine spirituel. Qui sait que la colère, c'est un démon? Comment dire? Vous savez que la colère, c'est un démon? Ok, arrêtons-nous là-bas. Supposons que le frère, si après, vous savez, il voulait aller dans un domaine. Parce que ma femme m'a présenté là-bas que j'ai dit autre chose. Je voulais parler de l'impuricité. Comme il est venu, il n'aime pas dire ça. Ok, donc voici, supposons qu'il y a la colère ici. Il y a la colère ici. Qui contrôle cette colère qui est là-bas? Il y a la colère ici. Mm-hmm. Qui contrôle cette colère? Le démon de la colère. En fait, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il n'y a pas un seul sergent dans l'armée. Maintenant, observez votre Bible là maintenant. Si vous lisez Marc chapitre 5, lorsque Jésus a mis le pied sur le territoire des Gérénazaires, ce fou-là qu'on l'a coupé, le coupé chaque fois. Lorsque Jésus parle, il dit que tu es venu, je connais je, au singulier. Connais qui tu es. Vous y êtes? Tu es le fils du Dieu Tout-Haut. Tais-toi. Qui es-tu? Je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Je m'appelle Légion. Donc, le contingent de ces démons est appelé Légion. Mais chaque individu est seul. Là, quand il parle, celui qui a dit l'ouvrir a beaucoup parlé, c'est le chef qui parle, comme dans l'armée. S'il y a un lieutenant ici, un sous-lieutenant, quand il s'est allé là jusqu'au caporal, lorsqu'il part quelque part en mission, lorsque se tourne, la personne qui a le droit de parole, c'est le lieutenant, parce que c'est le plus grand chef. Tous les autres, est-ce que vous me saisissez? Si un militaire vient et que vous êtes assis comme ça, là, tu es colonel, commandant, capitaine, adjudant-chef, ainsi de suite. Le militaire, courage, le commandant, quand il parlait des militaires, il est tombé là-bas. Donc, maintenant, si je viens en tant que militaire, vous voilà assis par ordre de grade. Je ne vais pas venir en tant que militaire faire assurer ce toi, comme ça, toi, comme ça, toi. Ça ne se fait pas. Si tu fais ça et tu as la télé sur toi directement, quand tu arrives au dernier endroit, la présence t'arrive, parce que tu ne connais pas la règle militaire. Qu'est-ce que le militaire fait? Il vient vers le plus haut gradé. Il fait, paf, c'est terminé. Quand il a donné la solution, celui-ci a passé automatiquement à tout là. Donc, dans le contingent militaire et démoniaque, lorsque le chef parle, il ne veut pas dire qu'il est seul, il parle au nom de tout le reste. D'accord, frère? Ok, maintenant. Alors, le démon qui s'est présenté devant l'assemblée des dieux, c'est le chef des démons des mensonges. Veuillez vous asseoir. Merci. Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Donc, ce même démon peut entrer dans plusieurs personnes. Or, ce n'est pas un seul même esprit. Voilà la troupe du démon. C'est-à-dire qu'un militaire est ici, il construit une troupe. Tu ne connais pas le nombre. Alors, il peut envoyer un celui-ci là-bas. Vous entendez, on cherche le démon de fornication sur telle personne. Comment le démon de fornication se trouve ici, ici, ici, ici? C'est parce que le démon de fornication, quand je dis démon de fornication, c'est comme vous dites, voilà les dénominations, voilà les vraies dénominations. C'est-à-dire qu'on fait le rassemblement. Tu vas voir, on va mettre la plaque ici que l'église catholique, l'église protestante, chez les catholiques, le groupe de catholiques soit là-bas. Chez les démons, si on fait les contingents, on va mettre aussi la plaque des démons de fornication. Tous les démons qui sont ici, souvent les démons de fornication, dont leur rôle, c'est d'aller forniquer. Tu comprends, frère? Voilà. Maintenant, je vais arriver maintenant à un autre point. Un démon peut entrer dans une famille et il est porte d'entrée de plusieurs autres démons. Je vais encore dire ça autrement. Un démon peut rester dans le muscle, étendre tout son corps sur tout le pays du Cameroun. Le corps spirituel n'a pas de limite. Le corps spirituel n'est pas limité par le matériel. Regardez, tu as vu la forme aussi. Cette forme-ci, si ça sort hors de son esprit, c'est pour ça que quelqu'un peut rester et dire que j'ai tenté de le voir en même temps ou en même temps en bas. Parce que, ne faites pas que je vous amène dans ce domaine-là. Ça veut dire que quelqu'un peut rester comme ça, il dit que je suis en train de le voir aux États-Unis. Comment il peut voir aux États-Unis sans être là-bas? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est sérieux, n'est-ce pas? Autrement dit, ce même esprit peut nous couvrir 400 personnes à la fois. Oui. J'ai une question. Oui. Élisée, comment pourrait-il comprendre, lui, dans un confusif, ce qui s'est passé dans la chambre? Chaque fois, tu as fait des problèmes avec les prophètes. Chaque temps que tu ne vas pas comprendre la différence entre les prophètes et les êtres humains, comment se peut-il qu'un nègre peut rester ici, voir une souris au niveau de ma capé? Parce qu'il est sur les hauteurs. Parce qu'il est sur les hauteurs, c'est exactement la position d'Élie. Quand Élisée, il se trouve sur les hauteurs, alors son esprit est différent des autres esprits. Son esprit peut même sortir hors de lui marcher, vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Son esprit est sorti, allez, il se trouve ici. Mon esprit n'était pas quitté quand j'étais en ce temps, j'étais déjà pour venir vers toi. Il a trouvé l'esprit en train de dormir là-bas, il croit que c'est comme il fonctionne. Le prophète ne dort pas, il quitte d'un état de subconscient à un état d'inconscient, tout simplement. Il ne peut pas dormir. Absolument. C'est pas possible. D'accord, frère? Il peut avancer alors. Donc faisons vraiment attention avec ces choses. Autre question, vous voulez poser autre vous question? Tous les 400. Absolument. Il peut envoyer son armée. Son armée. Il donne un chef. Si tu prends un premier prophète, tu dis que qui es-tu? Il va dire que je suis le chef, je suis un démon de mensonge. Tu prends un démon de mensonge, mais c'est pour montrer que Satan n'est pas omniprésent. C'est pour ça que son royaume est organisé de cette façon-là. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Donc, frère, oui. S'il a la capacité de s'étendre sur plusieurs personnes à oui, la fois. Oui. Comment ne peut-il pas alors? Donc, ça veut dire qu'il est présent en ces personnes-là. Non, il n'est pas présent. C'est pas qu'il est présent. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a dit que quand une chose est faite dans le domaine de la vie de quelqu'un le démon peut ouvrir, on appelle ça les portes, mm-hmm. pour permettre à ce que Satan puisse entrer à tout moment. Je vais prendre un cas simple, Judas. Mm-hmm. Judas avait le démon de cupidité. À cause de ce démon de cupidité, la porte est ouverte. Satan était, Satan lui-même est venu entrer dans la chair de Judas. C'est Satan lui-même qui était entré. La Bible déclare, lorsque le morceau de pain eut pris, touché la langue de Judas, Satan entra dans Judas. C'est clair là-dedans. Donc la porte était le vol qui faisait le vol. Le démon du vol qui était allé la cupidité. Cet démon-là était là pour préparer la porte à Lucifer. Si là je comprends mieux avec ce que tu as expliqué, l'armée. Avec l'armée, avec l'armée. Mm-hmm. En fait, quel qu'en soit le cas, je vais dire ceci. Autre chose maintenant, c'est par rapport, il y a des principes de représentation dans le lieu spirituel. Ça dit que quoi? Comme le président peut envoyer une personne que va me représenter là-bas, il vient là-bas au nom du chef de l'État. Il y a des démons qui se présentent dans le corps, ils disent que c'est Lucifer, alors que ce n'est pas Lucifer. Satan ne viendra jamais dans un corps sur la terre. Tant que ce n'est pas la manifestation de l'Antichrist. Jamais. Il vient, c'est pour un but. Donc, quand vous voyez, on chasse quelqu'un là. Je vais vous expliquer tout ce que vous voyez. Si on, on chasse quelqu'un, on dit que c'est Lucifer. C'est pas lui, c'est quelqu'un qui a pris son attribut. C'est un prêtre, mon cher, mais il ne peut pas se salir comme ça. Pourquoi tu envoies le feu, il rentre là-bas avec le royaume, t'acheter. Il ne peut pas faire comme ça. C'est quelqu'un qui ne salit pas. Son combat, c'est avec. Je recommence encore. Si vous entendez, on chasse un démon à quelqu'un, il dit que je suis Lucifer. Je suis le prince des démons, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que d'abord, un risque, d'abord le menteur. Donc, ça veut dire que c'est un chef des missions diplomatiques de Satan auprès des humains. Pas que c'est Satan lui-même. Comme quand on peut envoyer le ministre de la Défense d'aller le représenter dans un dé, on dit que le ministre là, il s'assoit là-bas comme président. Donc, il répond à César là-bas comme étant le président, sans que ça ne soit le président. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les démons qu'on cherche à dire, c'est Lucifer, ce n'est pas Lucifer lui-même. C'est un démon qui porte ses attributs. C'est-à-dire que c'est des gens que Satan peut envoyer comme des coups-circuits, comme des coups-circuits. Qu'on frappe, on les frappe. On peut avancer là maintenant. Comment, frère? Même les démons eux-mêmes ne parlent pas justement, c'est ça. Même les démons eux-mêmes ne voient pas Lucifer. Pour voir, il faut demander les audiences. Même le démon lui-même ne voit pas Lucifer. Parce que c'est un garçon qui est important dans son royaume. Bien qu'il va descendre au même endroit que les rois et la terre se trouvent. On peut continuer ou bien on prend une pause. On continue ou on prend une pause. Donc, prenons une pause, c'est une pause, d'accord? Si quelqu'un s'oppose à la pause, il va s'exposer à une dose là maintenant. Donc, prenons une pause et puis on revient. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que si tu appuies ici, c'est pour lire. Maintenant, si tu as parlé, donc tu appuies. Où c'est ici? Tu appuies un peu moins. Si, frère Michel. Ne permettez pas que le garçon se sorte. C'est bon. Donc, on peut continuer le film. Les martes là, c'est fini. Il dit, n'est-ce pas, frère? Je vous pose une question à vous maintenant qui êtes parfait. Je vous pose une question. Si vous voyez quelqu'un qui est un démon, vous pouvez savoir. Il dit que si vous voyez quelqu'un qui est un démon, vous pouvez savoir. Oui. Okay, comme ça, comme par exemple Judas, puisqu'on dit que Judas était un démon, vous pensez qu'il était le seul dans le monde entier, ou bien qu'il est le seul? Il faut que Dieu le avec les yeux. Vous savez que Obama lui-même a dit qu'il n'est pas de cette planète, il est de la planète Tipton, n'est-ce pas? Oui. Qu'il est venu pour sauver l'humanité. Vous comprenez comment quelqu'un parle, vous comprenez ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? On peut commencer. Donc pendant qu'on était à pause là, des gens me posaient certaines petites questions. Quelqu'un m'a posé la question. On peut commencer. Quelqu'un a posé la question sur. J'ai dit que les démons que vous chassez dans les corps, les démons que vous chassez dans les corps, ce n'est pas Lucifer, c'est une représentation, quelqu'un qui a été envoyé. Quand lui-même entre dans un corps, c'est un corps démoniaque. Donc il vient pour une mission. Il ne vient pas toujours pour entrer là, pour faire la prolongation, pour le chasser, boum, boum, c'est pas ça que son. Je parle de quand il vient dans un corps, c'est pour le corps des missions. Vous pouvez voir dans le corps de Hitler, par exemple. Ouais. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dans le corps de Judas, le corps de Himmler, le corps de Antiochus II, Épiphanie. Quand il vient là pour faire quelque chose, un temps il a même été pape sur la terre ici. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça? Ok. Ok, donc ça veut dire que pour l'autre là, c'est lavé. Hein? Lis l'histoire tout simplement. Lis l'histoire. Alors, autre question, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions comme vous m'avez posé par rapport pendant les pauses, la poser les maintenant, on répond et puis on continue rapidement parce qu'il faut que la nuit ne nous trouve pas ici. La marque de la bête, oui, j'avais parlé de la marque de la bête, l'image de la bête. Voilà les points importants qu'il faut qu'on saisisse. C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi l'image de la bête? Voilà les questions qu'il faut qu'on résolve. Pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas finir ça aujourd'hui? Parce qu'au-delà de ça, il faut qu'on revienne, on parle thème par thème en regardant qui est l'Antichrist, comment il va se manifester, où il va sortir. Souvenez-vous, il est déjà. Il est déjà. Souvenez-vous, je ne suis pas en train de parler comme l'apôtre Jean qui dit que vous avez appris qu'un Antichrist vient. Il y a maintenant plus d'Antichrist. Il ne parle pas de plus d'Antichrist. Le personnage principal dont je suis en train de prêcher depuis se trouve sur la terre maintenant. Voilà pourquoi il prêche chaque fois. Il vous dit que, regardez très bien, quand Jésus voulait prêcher, quand il est entré dans son ministère, il n'est pas tombé directement. Il était déjà là. Le moment est arrivé, quand le moment où il devait se manifester arrivé, à l'instant il a pris la place, là, c'était son ministère. L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà sur la terre. Il passe de temps en temps à la télévision. Maintenant, n'allez pas croire jamais que c'est Obama, parce que c'est pas lui. Je vous ai dit que voici le signe. Il va finir sa présidence aux États-Unis, rentrer comme les autres présidents. Mais c'est quand même un démon. Donc, regardez comment la foule du monde entier l'a adoré. Vous demandez à quelqu'un pourquoi tu l'aimes. Il ne peut pas dire pourquoi. Ce qu'il dégage. Imaginez donc quand l'Antichrist va se présenter au milieu de la foule. Imaginez seulement l'onction qu'il va dégager. C'est-à-dire ceci. Si tu as un démon de fornication en toi, que tu n'as pas été saisi, chassé de cela, démon de mensonge, quel que soit le démon, ça va te pousser à adorer cet homme-là. Il dit, c'est démon en toi. Tu vas l'adorer, ça t'arrange quoi? Parce que c'est ça qui est déposé. Comme par exemple, quelqu'un, tu fais quelque chose, tu dis, ouais, qu'est-ce qui est plus à faire, cela? Tu vas l'adorer. Parce que moi, tu es prosterné devant lui comme ça. Regardez tout le monde en dit comment? On a cru que Obama était l'espoir de tout le monde. C'est lui qui est venu donner le droit aux homosexuels. Celui qui est venu faire ces choses-là. Donc, tous ceux qui sont venus sont les préparés comme ça, le terrain pour l'Antichrist. Donc, maintenant, parlons donc de l'image de la bête et de la marque de la bête. Et voyons maintenant. Vous savez, les choses, quand vous commencez à comprendre, les personnes disent des choses de la Bible ou bien expliquer d'une certaine façon, parce que c'est populaire. Faites attention, c'est le piège de Satan. Je vais recommencer ceci. Lorsque vous entendez, on commence à expliquer quelque chose de la Bible et tout le monde semble être d'accord avec c'est ça, c'est ça, c'est ça. Satan veut les distraire. On va aller doucement pour vous en saisir. On peut y aller. Donc, bien aimé, je ne sais pas ce que vous avez reçu comme enseignement là-dessus, mais permettez que je prêche ce que je suis en train de prêcher. Mais pour moi, on va lire dans la Bible et laisser la Bible dire ce qu'elle en avait dit. Apocalypse chapitre 13, allons-y encore. Apocalypse chapitre 13 encore. Vous direz que le Seigneur vous bénisse. Oh, je veux surtout qu'on lise aussi Matthieu 24, comme on a dit tout à l'heure. Il faut que la maman de cet enfant le prenne pour lui donner ce dont il réclame. On y va? Ok. Nous avons lu après chapitre 13 tout à l'heure. Je vais relire encore à partir du verset 1. Suivez avec moi et puis on va répondre à ces deux questions. La question c'est, s'il vous plaît, que cet enfant se sorte d'ici. La question c'est quoi l'image de la bête et c'est quoi la marque de la bête? Il faut qu'après qu'on ait lu, qu'on réponde à ces questions. D'accord, bien-aimé? Je prie pour vous, priez aussi pour moi, d'accord? Chapitre 13, verset 1. Et il se tait sur le sable de la mer. Puis je vis monter, vous y êtes? Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Vous avez vu exactement ce qui c'est ça, n'est-ce pas? Ok. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous êtes avec moi? J'ai pris à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Je suis au verset 2 maintenant. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon. Au verset 12, on a expliqué qui est le dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous vous souvenez qu'au chapitre 2, on a vu qu'ils sont descendus sur la terre. Après, c'est grave cette période-là. C'est à raison que la Bible déclare que ce sera des périodes de temps, des angoisses, de telles qu'il n'y aura jamais plus sur la terre que la terre ne connaîtra pas. Parce que c'est le temps de la destruction finale de l'espèce humaine ou de l'espèce satanique. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous avez vu, on a parlé ça dans Daniel. On a parlé ça lorsqu'il parlait des. La chute de l'église catholique et son relèvement. Il dit, souvenez-vous de cela. Je vous ai dit que la papauté est venue à l'existence en 508. 508. Donc, en 168, les Romains ont pris la place. Ils sont tombés en 476. D'accord. 10 empires sont sortis de là, comme on a vu dans les discussions là-bas. Plus tard, la papauté sort ayant les mêmes attributs que l'empire. Quand c'était des Césars et autres. Donc, la forme empirique est sortie sur la forme religieuse maintenant. Et maintenant, dans la forme religieuse, on trouve encore la forme empirique parce que c'est l'empire romain avec la veste et les choses de l'église. Parce que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a la dualité là-bas. Il y a deux choses. Il y a le pouvoir étatique. Ils ont un drapeau. Ils ont le pouvoir religieux. Vous comprenez? Donc, les deux se trouvent incorporés dans la religion catholique. On est allé et on l'a identifié depuis le livre d'Italie là-bas. Je vous ai donné la définition du Vatican. Vatican veut dire Vatican, qui veut dire serpent divin. D'accord? Et si vous lisez dans la Bible des catholiques eux-mêmes, la Bible de Jérusalem, ce qui est rouge là, vous lisez Apocalypse chapitre 17, le verset 9, vous regardez leur interprétation parce qu'en bas ils mettent les lettres. On a dit que les sept têtes que tu as vues, ce sont sept collines. Et eux ils disent dans leur Bible que les sept collines sont les sept collines, les montagnes de Rome. On dit qu'on en est identifié comme ça là où la bête est assise. Là où la bête est assise. La femme qui était montée sur une bête, la bête est assise sur une bête où il y a sept collines. Il y a quoi à Rome? On commence à expliquer que cette bête-là a la domination sur les peuples, sur les langues et partout. Cette bête-là célèbre le culte avec une coupe d'or remplie des abominations de sa prostitution. Et cette bête-là, c'est une femme qui la portait dans une église. On avait dit qu'une femme était soit une église, soit l'Israël. Or, maintenant, on dit que cette femme est une prostituée, donc quelqu'un qui a fait aller avec Jésus-Christ, mais qui est de l'autre côté en train de servir d'autres dieux. Donc, c'est l'église catholique. On dit qu'elle s'est prostituée avec les rois de la terre. Les rois de la terre ont commis une fornication, elle, donc c'est elle. On dit qu'elle est assise sur sept têtes, sur les sept montagnes. On dit sept têtes, c'est sur les sept montagnes. Au chapitre 17 d'Apocalypse, là, au verset 9. Je vous disais, verset 1 jusqu'au verset 15. D'accord? Ok, maintenant. On dit donc que cette personne-là, la blessure mortelle fut guérie. Le renversement de la papauté, après la papauté, a refait surface. D'accord? Si vous ne saisissez pas la base, quand vous allez entrer sur la bête et son image, ça va vous créer des problèmes. D'accord? Donc, si vous voyez les films, on a dit qu'on fait une image, vous avez un salon, les films là vont finir dans vos têtes là maintenant, disons ici. Regardez. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, la bête avait plusieurs têtes. On a vu que les différentes têtes sont les royaumes qui vont se lever là-bas. Et l'une des têtes qui était debout, qui était le petit, elle s'est levée, elle a renversé plusieurs. Mais ça a eu un choc à un moment donné, sur ce moment, qu'elle a disparu. Cette autre tête-ci. Après, ça a refait surface et maintenant toute la terre commence à le suivre. C'est n'est-ce pas? Ok. Donc, commençons à l'identifier parce que, remarquons bien pour que vous compreniez là où on est arrivé. Si vous avez une photo entre vous, mais on dit que c'est qui ici? Si vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez pas encore rencontré cette personne-ci. Comme dans un bureau, ouais, la personne de Paul, vous ne savez pas. On n'a pas besoin qu'on vous pose la question pour vous savoir que ça c'est Paul Biya. En voyant ceci, vous comprenez que ceci a été pris à partir de cette personne-ci. Donc, pour savoir l'image dont on a parlé, pour identifier la bête dont on a parlé, c'est aussi simple que possible. Si par exemple, on a identifié la bête, on filme, on va voir son image. C'est compris, frère? Ok. C'est exactement pourquoi ils sont expliqués ceci. Donc, si on montre la bête, on va savoir son image. On se comprend? Si vous faites souvent cracat, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est simple que possible. Il n'y a pas deux façons de comprendre ça. Cracat, vous voyez quoi? Donc, il faut que, pour que je voie ce qu'on appelle l'image, il faut que je voie ce que c'est que la bête. C'est la seule chose qu'il faut faire pour comprendre ici. On avance. Ok, verset 4. Et ils adoraient le dragon. Ok. Souvenez-vous, on dit que cette bête-ci, le dragon lui a donné son pouvoir, son autorité, son trône. Donc, en adorant cette personne-ci, on adorait le dragon. Donc, cette personne dont on vient de parler, c'est une personne qui est liée au culte. Il se peut que cela se comprend. Voilà. L'adoration, c'est lorsqu'on fait le culte. Les présidents de la Bible n'ont pas de l'adoration. Ils servent avec le pouvoir de l'argent, ainsi de suite. Nous, c'est. Lorsqu'on parle de culte, ça touche le domaine spirituel. Lorsqu'on rend un culte. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Ok. Maintenant, on dit, et ils adoraient. Regardez, on dit là, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ce verset-ci, c'est devait montrer identiquement qui est la personne. D'accord? Donc, souvenons-nous, dans l'Apocalypse chapitre 13, on va parler de deux bêtes. Et une fois, l'autre bête sera en présence, comme au verset 11, on va lire. Il faut qu'on lise jusqu'à on arrive là-bas. Maintenant, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant. Ouais, écoutez très bien, mes chers amis, la définition biblique de l'adoration. Il ne me suffit pas, il ne s'agit pas juste de mettre pour ça, de oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore. On n'adore pas Dieu en lui disant qu'on l'adore. On n'aime pas Dieu en lui disant qu'on t'aime. On prouve. On n'adore pas Dieu en lui disant, quand il dit à Dieu, Seigneur, je t'adore, c'est pas ce que je dis qui est l'adoration. C'est l'attitude, ce que je dois faire qui va montrer que ceci, c'est l'adoration. Remarquons-toi bien, on dit ici, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, donc, ils adoraient en disant, voici comment, en disant ceci, en disant cette chose qui va sortir de leur bouche, ils étaient en train d'adorer. J'espère qu'on se comprend, frère. C'est pour ça qu'il dit que je ne dois pas m'éloigner de la Bible. Et je ne peux pas m'éloigner de la Bible. Il faut qu'on reste là-bas et on se comprend là maintenant. Il dit, ils adoraient la bête. Remarquez très bien que la bête avait l'autorité de Satan. On dit que c'est le dragon qui en a de l'homme, ça s'en rend compte. Maintenant, cette bête-là, les êtres humains sont de la regarder. Maintenant, finalement, ils ont pu adorer cette bête-ci. Qu'est-ce que la parole ne sort pas hors de la barrière. Ils ont pu adorer cette bête-ci maintenant en lui adressant des paroles. On dit que c'est cette parole-là qui montre que c'était d'adorer. On se comprend? Ok, maintenant regardez. Disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc le simple dit que mais, l'église catholique c'est la plus grande des églises. Tu as l'air d'adorer l'église catholique sans t'en rendre compte. Dit la Bible. Vous voyez, c'est pour ça que les choses de Dieu là, la façon de Dieu de considérer les choses, c'est pas comme ça. Quelle est la façon d'adoration? Adorons maintenant. Adoration c'est quoi, bien aimé? Adoration c'est quand on chante doucement devant Dieu, on balance le corps. C'est le slow du chrétien. C'est ça qui est l'adoration. We worship you, Lord. Comment, comment la chair de poule n'a pas arrêté? Dis-moi comment la chair de poule n'a pas arrêté. En voyant même les lames vont couler, tu penses que c'est ça que tu es en train d'adorer. Regardez bien. Maintenant, lisez seulement Apocalypse et voyez tout simplement comment les anges sont en train d'adorer. On dit qu'ils adoraient en déposant le trône en disant que tu es digne, notre roi de régner, car que tu as été immolé et tu as racheté au peuple. En disant ça de lui, on l'adorait. Amen. On continue. Donc, on dit que les habitants de la terre adoraient le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à lui et qui peut combattre contre qui. Parce que l'autorité lui a été donnée de lutter contre les seuls et de les vaincre. Il avait la domination maintenant. À ce moment-ci, prenons le nom de Jésus, ça n'a pas de fait. À ce moment-ci, prenons le nom de Jésus, ça n'a pas de fait. Quand tu as fini, dis, au nom de Jésus, j'envoie le sang sur ta main, tu ouvres les yeux, je demande que tu as fini. Là, bam! Tu vas continuer. À ce moment-là, écoutez très bien, c'est pour ça que je vous avais dit que les dons spirituels, c'est pour la terre. À ce moment-là, la période-ci, les dons spirituels ne fonctionnent pas parce que ceux qui ont le don spirituel sont partis. Donc, s'il n'y a pas le don authentique, d'abord, même si tu as le don authentique, tu ne seras même pas sur la terre. Avançons nos frères. Verset 5. Et il lui fut. Souvenez-vous, on va parler de plusieurs bêtes ici. Donc, chaque fois qu'on va dire par exemple lui, il. Faites attention si vous ne saisissez pas qui est lui, qui est il. Arrêtons et observez parce qu'on va identifier qui est la bête. D'accord? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc, il y a des termes comme ça qui nous commencent à nous envoyer, à nous montrer la direction de la bête. Quand on parle de l'adoration, on voit que c'est le culte. Le blasphème, c'est dans le culte. C'est dans la religion. Comment vous dites cela? c'est dans l'adoration. Quand il parle d'adoration, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est dans les choses culturelles où il y a les blasphèmes, où il y a l'adoration. Ce n'est pas dans les affaires politiques. Donc ça veut dire que cette style de bête, si ce n'est pas une bête politique. Vous commencez à comprendre, frère? Ok, nous avançons donc maintenant. Ils adoraient, non, au verset 5, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, on a dit tout à l'heure que 42 mois, c'était 1260 jours, qui est 3 ans et demi. N'est-ce pas? Maintenant. Et elle ouvrit, elle, la bête. Il dit identifiant la bête. Le but ici, c'est identifier d'abord la bête. Lorsque la bête sera claire, lorsque vous posez la question, vous allez dire que la bête, c'est telle chose, je vous donner directement quelle est son image. Et gardez à l'esprit, frère, que la définition de l'adoration a été donnée. D'accord? Ok. Gardez-vous à l'esprit ceci. Lorsque je vais vous poser, après quand on va finir les listes concernant cette bête-ci, lorsqu'on va identifier que, d'après la Bible, donc, quelle est cette bête, si vous me donnez la réponse, je vous donne son image. D'accord? Ok, regardez bien. Et elle, c'est de comprendre pourquoi Dieu nous a envoyé pour prêcher ces choses-ci. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre, on y est, contre Dieu. Pour vous savez, les politiciens, ce n'est pas leur rôle là-bas. Les politiciens, ce n'est pas leur rôle. C'est au niveau du culte que ça se passe. On continue. Pour blasphémer Dieu, et son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. On a réglé ça aujourd'hui. Verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Je dis voilà. Il lui fit. On a donné les caractéristiques de la bête là-bas. C'est ce que la bête va faire. Pourquoi on adore blasphème, parler contre Dieu. Où est-elle, n'est-ce pas? Donc cette bête doit être quelqu'un de religieux. On est d'accord? Ok. Maintenant, on dit qu'elle va faire la guerre au sein. Les politiques ne font pas la guerre au sein comme ça là. Lorsque ça touche matière et religion, on va commencer à donner les lois que tu respectes, ou que tu respectes pas ici, on va te tuer. Un peu comme Mohamed a fait par exemple. Tu es dit que Allah est Dieu et que son Allah est le seul Dieu et je suis son médecin, je ne fais pas un coup de tête. Avant qu'il ait le matin, non, Allah est Dieu, pourquoi on te laisse tranquille? Alors ici, c'est l'adoration culturelle. D'accord? C'est dans le culte. Verset 7, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous y êtes? Cette chose-ci, c'est réécrit encore dans Apocalypse chapitre 17. Lisons, allons rapidement, chapitre 17, et rentrons là rapidement. Chapitre 17, on va y revenir. Regardez le chapitre 17. Verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coups vins, et il m'a adressé la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et la grande prostituée, regardez bien, qui est assise sur les grandes eaux. Vous y êtes? Qui est assise? C'est une grande prostituée. Donc c'est une femme. Prostituée parce qu'elle a le vœu de mariage, le vœu de... Elle vit dans la fornication. D'accord? Ok. On dit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Allons-y au verset 15 rapidement, verset 15, et disons quelque chose. Verset 15. Et il me dit, vous y êtes, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous avez vu? C'est la même chose qu'on a dit après chapitre 17, chapitre 13, là, verset 7. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, cette femme-ci, voilà une femme. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On dit que c'est une femme. Verset 2 de Apocalypse, maintenant 17, regardez. C'est avec elle, cette femme, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc cette femme-ci n'est pas une roi. Remarquez la façon que j'ai dit. Il dit que cette femme-ci n'est pas une, entre guillemets, roi. Elle est seule et il y a les rois. Elle va vers les rois, une femme. Donc, parce qu'elle n'est pas un roi. D'abord, elle n'est pas un roi. Il ne dit pas qu'elle n'est pas une reine. Gardez bien l'expression. Elle n'est pas un roi. L'entité dont on veut parler, c'est une femme. Donc, c'est une église. Elle n'est pas un roi. Même quand elle parle vers les rois. Les rois, eux, sont différents. Mais il y a quelque chose en elle qui est similaire à ceux des rois. Observez. Vous y êtes. On dit, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme. Vous y êtes? Assise sur une bête écarlate. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Vous avez vu? C'est-à-dire que la bête dont on a identifié, il y a une femme. La bête porte la femme. La bête porte la femme. La bête porte la femme. On avait vu ce que c'est que les bêtes depuis Daniel ici. Vous y êtes? La bête porte la femme. On dit, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Chaque fois encore, cette femme-ci et cette bête-ci, il y a des identifications par rapport au culte religieux, le blasphème, le nom de blasphème. On n'a pas le temps d'entrer dans ces choses-ci. Cette femme, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or. Vous voyez les caractéristiques, n'est-ce pas, de la femme. de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe, donc c'est une église qui célèbre les saints avec des coupes. Et la coupe n'est pas n'importe quoi, elle est une coupe d'or remplie. Donc on dit que la Sainte Sainte se trouve, la communion se trouve dans la coupe. Et le Dieu qu'elle sait se trouve dans la coupe, la forme de Dieu, le rond qui est sur la tête de ses saints. Ça se trouve dans la coupe qu'elle a dans la main, dans la forme là. Parce que nous, la communion que nous avons du pain que nous avons sur la table, nous communions à la mort et à la souffrance du Christ que nous servons. Donc il communie avec pour eux dans la boîte. On dit que dans son nom là. Dans son nom là-bas se trouvent donc les choses, les dieux avec qui elle se prostitue. Le dieu Apollon. On y va. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande. Vous y êtes. La mère, la maman, celle qui engendre. La maman, cette femme qui a accouché, une mère a accouché, la mère des impudiques et des abominations. Donc, on a envie d'identifier la marque de la bête et l'image de la bête, d'accord? On dit donc que cette femme-là était une mère finalement. Donc, et elle a engendré, elle a accouché. Dans Ézéchiel, vous entendez telle mère, telle fille. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Ok, regardez. On dit, verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominables de la terre, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez ça, frère? Donc, voilà exactement ce qu'on a dit là-bas dans le chapitre 13. On a dit qu'il va faire la guerre aux saints, il va les vaincre. Et c'est elle qui était coupable du sang de Jésus, cette bête-là. On y va? Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, voilà donc le verset révélateur. Quand Jean va voir cela, il va dire, mais qu'est-ce qui... Mais cette femme-ci, mais c'est pas quelqu'un... N'est-ce pas l'épouse de Christ? Comment il a des persécutés de Christ? Donc, à la façon extérieure de voir, il sait Christ. Mais derrière, c'est le pouvoir des dragons pour persécuter les enfants de Christ. Mais pourtant, il se passe pour Christ. L'antichrist est chrétien.